Hey, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Alors, est-ce que ça fonctionne, nos amis de la technique, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Ah, très bien. Alors, on va faire... Ouh, une erreur s'est produite, on va faire comme si ça fonctionnait, hein. Est-ce que ça marche? Ouais, il y a un chat, il y a des gens. Il y a des gens? Ouais, et ça a l'air de marcher. Genre. Bon, alors, parce que moi, j'ai rien. Alors, Riley, tu vas être en charge du chat, parce non, que moi... Non. Je ne vois absolument rien. Okay. Alors, reprenons un peu notre conducteur. Déjà, bonsoir, bonsoir à tous. Chat, si ça marche. Bonsoir, bonsoir à tous. On est très content de vous retrouver. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Voilà, je me présente, je suis Sartman. Bienvenue dans ce Pourquoi Buffy c'est génial numéro 16. Avec moi, il y a bien sûr l'incomparable Clément. Salut Clément. Salut. Et Riley. Comment ça va Riley? Ça va. Et avec nous. Salut Sartman. Une invitée exceptionnelle, Yaël. Comment ça va Yaël? Ça va très très très bien. Super. Alors on va commencer par présenter notre invité. Il paraît que tu es fan de Buffy. C'est vrai ça? Il y a des fans de Buffy? Ouais. Je pense que je peux. Si en compétition, je pourrais peut-être gagner la médaille de bronze ou la médaille d'argent dans le genre fan de Buffy. Disons que mon niveau d'obsession est extrêmement avancé. C'est bon ça. Et j'ai une longue expérience. Et tu es donc aussi critique série. Oui. Et une phrase qui te décrit bien, c'est il paraît que tu parles de Joss Whedon au moins une fois par jour, c'est ça? Absolument, depuis 1998, je parle de Joss Whedon une fois par jour. Ah, très bien, c'est toujours important de parler de Joss Whedon. Je suis entièrement d'accord. Nous sommes en live, je vous invite à participer à l'émission, donc parler sur le chat, hein, donner votre avis sur ce qui se passe. Rappel du principe du podcast, nous mettons l'épisode en lecture. Donc là, à l'image, là vous avez une télé, mais on va bientôt regarder l'épisode. Et donc on va les commenter en direct comme des commentaires audio, donner des anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur Buffy à travers des commentaires audio pour mieux comprendre le show et l'apprécier. À sa juste valeur. Oui, bien sûr, Clément. C'est notre sacerdoce. C'est exactement, c'est notre sacerdoce. Nous sommes là pour ça. Donc a priori, ça fonctionne. Voilà. Donc c'est parti. Eh bien, je suis ravi. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, sur PodCloud, sur Podcast Addict et plein d'autres sites incroyables, et aussi en vidéo sur YouTube. Je vous rappelle notre site pourquoibuffycestgenial.wordpress.com, tout attaché sans accent. Et pour nous envoyer des mails, pourquoibuffycestgenial@gmail.com, tout attaché sans accent. Est-ce que peut-être vous avez envie de faire des gros bisous? Oui, c'est maintenant. Alors je vais lancer le jingle des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her, yeah, and raise you a, yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis! Ok, super! Super jingle! J'adore! Très fier de mes jingles. Allons-y! Donc, gros bisous, je vais commencer. Donc, j'ai plein de gros bisous à faire. Un gros bisou déjà à Julie, qui nous suit beaucoup, mais qui n'a pas pu être à Geekopolis il y a 3 semaines. Pour une sombre histoire de convention Vampire's Diaries, je crois. Donc, bon, c'est une excuse qu'on accepte. Hein. Donc, gros bisous à Julie. Gros bisous également à Slayer. Alors, c'est que c'est un base, hein, c'est de Twitter. At Slayer French, qui sur Twitter nous retweet systématiquement. Ça fait très plaisir. Et donc, on lui fait un gros, gros bisou. Merci beaucoup à toi. Gros bisous aussi à Béa, qui nous a envoyé un très gentil mail dans lequel elle nous donnait quelques conseils de terminologie. Hein. Tu l'as vu ce mail, Riley. Hein? Et on aime recevoir des mails. Ah oui, effectivement, oui, c'est vrai. Et donc nous, on reçoit tellement de mails, tu sais. On est en envahi de courriers de fans. C'est ça. Non, mais nous, on aime recevoir des mails. Donc merci beaucoup, Béa. Et enfin, un gros bisou à Stuart6604 qui nous a mis 5 étoiles sur iTunes. Ça, c'est important, ouais. Riley, tu avais un gros bisou aussi, toi. Oui, j'en ai même deux, figure-toi. On fait un gros bisou à Jean-Marc qui nous écoute sûrement ce soir. Et on fait un gros bisou surtout à Monsieur Pitou et Marilou qui sont sur le point d'avoir une descendance qui nous écoute. Oula! Que je connais depuis très longtemps. Un bébé, quoi. Et sinon, on parle de Geekopolis, il me semble. Attends, je crois que Clément a des gros bisous, non? Gros bisous à mon cousin, c'est son anniversaire, là. Yael, est-ce que tu avais des gros bisous? Bah, il y a plein de gens à qui j'ai envie de faire des bisous quand je parle de Buffy, mais il y a en particulier mon twin David que j'ai rencontré par un après-midi d'été 2007 alors qu'il distribuait son flyer pour sa convention Buffy et qui a changé ma vie en me faisant participer à des conventions Buffy. Donc voilà, David, je t'embrasse. Et gros bisous! Alors là, pas de jingle, on va faire un point Geekopolis, parce que figurez-vous qu'il y a 3 semaines, nous étions à Geekopolis, nous avons d'ailleurs enregistré là-bas un podcast en public, Alors, on vous fait un petit point vite fait pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, en gros, on avait un stand Buffy, un stand complètement génial. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on a, on a vu plein de gens pendant tout le week-end. Pendant tout le week-end, on était là. Ça, et arrêté, ouais. Ça n'a pas arrêté. La preuve que les fans de Buffy sont toujours là, sont toujours présents. Et surtout que c'est une série qui parle toujours à tout le monde, parce que des gens venaient nous voir en disant oh Buffy j'ai adoré ça quand j'étais jeune, ou Il y a Anaïs Montoya sur le chat qui nous a découvert à la conférence justement de Geekopolis. Ah oui voilà, parce qu'on a fait une conférence aussi en plus du podcast, voilà. Donc qu'est-ce qu'on voulait dire? On voulait dire que bah, c'était déjà très cool de rencontrer des auditeurs, parce qu'il y avait aussi des gens qui nous connaissaient déjà et qu'on a pu rencontrer en vrai. La team de Slayer Revival par exemple. Ouais. Voilà, que c'était génial de les rencontrer en vrai. On fait un mini cast très cool, on va aller sur le forum. Pour... Voilà, et d'ailleurs si on en profite aussi, parce qu'on a on a dit qu'on avait un stand incroyable, on fait un gros bisou à Nolwenn et David qui nous ont beaucoup aidé pour le stand. Carrément. David qui est sur le chat. Je crois qu'il est sur le chat. Voilà, bon, c'était génial, une bonne, très bonne expérience. Clément, ça s'est bien passé pour toi? Bah, impeccable. Impeccable, rien à redire. Rien à redire. C'était une expérience parfaite. qu'est-ce qu'on voulait dire? Oui, que le podcast en public, bon, c'était très cool parce que c'était une expérience très chouette. On a eu des petits problèmes techniques. Mais bon, mais, bon, faut pas nous en vouloir si vous l'écoutez, c'est pas le meilleur. Hein. On a eu des problèmes techniques, c'était un peu compliqué, donc ne nous en voulez pas. À la fin, on nous faisait signe de sortir. On va essayer de s'améliorer par la suite. Est-ce qu'on a fait le tour du point Geekopolis? Alors, un gros merci à Geekopolis aussi. Ouais, gros bisous. Est-ce qu'on ferait pas une petite rubrique sondage? Oui, rapidement. Mais alors très rapidement, c'est parti pour le jingle sondage. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Passons immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Oulala, rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Donc Riley, c'était quoi le sondage lancé lors du dernier numéro? C'était un sondage absolument génial qui a eu le plus de réponses depuis qu'on existe. Donc c'est quand même. Mon Dieu, le premier sondage de l'histoire des sondages. Non, mais le premier sondage qui cartonne vraiment. En même temps, on a triché parce qu'il est resté plus longtemps que les autres. C'était un sondage sur le décor le plus emblématique de la série pour vous. Alors évidemment, c'est la bibliothèque qui a remporté ce sondage avec bien 8 évidemment. Voix, évidemment, même si ça n'apparaît que dans 3 saisons. Mais oui, c'est génial, c'est un décor qui n'est pas présent très longtemps, mais oui, qui a marqué tout le monde, bien sûr. D'ailleurs, elle me manque dans toutes les autres saisons. Juste après, c'était la maison de Buffy qui est ça qui est un lieu important du coup de la deuxième partie de Buffy qui apparaît dans les 7 saisons. Du coup, qui apparaît dans les 7 saisons. Mais tout à fait. Pas. Attends, t'aimes pas la maison de Buffy? Bah, j'aime tellement la bibliothèque. La bibliothèque est tellement belle en fait. Moi, chaque fois que je revois les anciennes saisons. Finalement dans la maison. Ouais, mais chaque fois que je revois les anciennes saisons, de retrouver la bibliothèque, c'est un tel plaisir. C'est une Madeleine de Proust quoi. C'est la bibliothèque. C'est vrai. Non, mais oui, en même temps, la maison, c'est une maison quoi. Elle a rien de spécial. Alors que la bibliothèque, c'est. Elle avait un cachet. Elle avait. C'était Jace. C'était Scott. Après, il y a le bronze aussi qui est un décor très très important. C'est qui est arrivé le troisième, le bronze. Le bronze est pas mal. Ouais, le bronze est vraiment pas mal. Enfin, le bronze avant rénovation. Parce que la rénovation était un peu sale. Oui, on avait parlé d'ailleurs dans un podcast de la rénovation. Pas. On n'est pas ça. Après la Magic Box et le cimetière. D'ailleurs, on nous a aussi fait remarquer qu'il y avait plusieurs cimetières. Oui, il y en a un certain nombre. Il y en a 12. Passons au vif du sujet. Non. Alors, oui, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons vous parler de l'épisode 3 de la saison 2 intitulé School Hard. Donc, titre en hommage au mythique film de John McTiernan, hein, Die Hard, que tout le monde connaît. Car il reprend qui vaguement. Il s'appelle Piège de cristal Piège en français. Piège de cristal en français. C'est une histoire de prise d'otage dans un immeuble avec un flic qui n'est pas du tout là pour exercer son métier de flic mais qui va être obligé à cause des méchants terroristes. Et donc c'est exactement le thème de cet épisode de Buffy où des vampires attaquent le lycée de Sunnydale et nous avons une tueuse qui n'est pas censée exercer son rôle de tueuse ce soir-là qui va être obligée de le faire. Et donc ça nous met aussi en parallèle School et Die Hard, School Hard. Mais si c'est un des thèmes classiques de la série. L'école, c'est la mort. L'école, c'est la mort. Le lycée, c'est la mort. School égale die. Ils disent pas qu'il faut pas aller à l'école. Ils disent juste que la vie est dangereuse. Donc l'école étant la vie. Non, mais juste on transposait nos propres. Ce n'est pas une série. Ce n'est pas une série. On n'est pas le couteau comme ça hier. Ce n'est pas une série qui encourage les gens à ne pas aller à l'école ou à pas lire de livres. Non, mais c'est bien de le préciser. Ouais. Et c'est juste qu'il dit que l'école c'est dur en fait. C'est surtout ça. Parce que c'est le théâtre de la vie. Et ça c'est vrai que c'est une période pleine d'épreuves. Épisode écrit par David Greenwalt sur une histoire de lui-même et de Joss Whedon. Épisode réalisé par John T. Kretschmer. C'est exactement ce que j'ai dit, Kretschmer. C'est quasiment ça. Greenwald, c'est le créateur de Grimm et de plein d'autres choses. Profite aussi. Alors peut-être vous pouvez nous en parler de David Greenwald. Dites-nous. Sur Profit, bah non, bah oui, c'est une série en 11 épisodes, je 8 crois. Épisodes. 8 bah, d'accord. Et non, qui a été annulé, il est même pas diffusé entièrement d'ailleurs avec, comment il s'appelle l'acteur Pazdar ? Non, Adrien Pazdar. Adrien Pazdar, ouais. C'est sur un mec qui le mec de Heroes. Un anti-héros en fait. C'est l'American Psycho version série. Voilà, qui gravit les échelons de son entreprise en faisant des saloperies. Et qui dort dans une boîte en carton. Ouais, c'est mais ça, c'est un malade. Non, le truc c'est que alors David Greenwald, c'est donc en 96, il a fait Profit, qui a été adoré par la critique et qui a été jugé insoutenable par la chaîne et par les spectateurs. Non, si, c'est vrai. C'était. Ouais. Ce n'est pas soutenable, on peut pas montrer ça à la télévision. Et du coup, qui a dû trouver autre chose à faire et qui a rencontré Joss Whedon et qui a bossé sur Buffy. Il est l'auteur du, selon moi, le pire épisode de Buffy qui est Teacher's Pet, qui est l'épisode 4 de la saison 1. Il est aussi l'auteur de Reptile Boy, le truc avec le serpent dans l'épisode 5 de la saison 2 là. C'est bien. Mais il est aussi l'auteur. Il y a plein de métaphores phalliques. Non mais c'est rigolo, il est aussi l'auteur d'Angel, l'épisode 7 de la saison 1. Mais il est l'auteur de l'épisode 7 de la saison 1, l'épisode où on comprend le truc d'Angel. Il est auteur de 7 épisodes qui est remarquable. Et ensuite, il a co-créé Angel avec Whedon, où il a vraiment beaucoup participé au développement. C'est lui le showrunner de Angel ou quoi ? Mais je pense pas que c'était vraiment le showrunner d'Angel, mais il était très très impliqué, et notamment dès le développement. Mais d'ailleurs, leur première version de Greenwald était une version très dark qui ressemblait plus à Profit. Déjà, dans le premier épisode, il était censé lécher le front d'une nana ensanglantée. Enfin, il se passait Wolfram des trucs. Wolfram et Hart, l'ennemi dans Angel, s'est inspiré de Profit de Grayson. Absolument. On a fait le tour de Monsieur Greenwald, hein, je crois. Oui, on a dit plein de choses. Le seul truc à savoir, c'est que Charisma Carpenter dit que. Ah oui. Elle a dit à Comic-Con en 2012, quand elle est venue à Paris, elle a dit que Greenwald était entièrement responsable de Cordelia Chase, que si dans Angel elle était aussi développée, c'est parce que David Greenwald c'était Cordelia dans le corps d'un homme de 50 ans, ce que je trouve absolument fascinant comme concept. Et effectivement, quand c'est Greenwald qui écrit, Cordelia elle a des scènes importantes, donc voilà, c'est l'ange gardien de Cordelia. Alors on fait un gros bisou à David Greenwald parce qu'on aime beaucoup effectivement Cordelia et, absolument et gros bisou à Cordelia aussi, c'est un Charisma Carpenter. Tu es toujours incroyable. Toujours. Donc l'épisode Schoolard a été diffusé pour la première fois le 29 septembre 1997. Est-ce qu'on a un petit pitch ? Oui. Ce soir, je sais que tu voulais faire un pitch, mais du coup je le fais. Bon, ben je l'ai fait pour rien, tant pis. Non, mais tu pourrais laisser Clément faire le pitch, quoi. C'est vrai que... Bon, non, mais t'as pas l'habitude, peut-être. Ouais. Je te laisse. Okay. Toi, le pro du pitch. D'accord. Elle est vraiment géniale, cette vanne, informant qu'on la fasse à chaque fois. Oui. Surtout quand Clément est là. J'ai préparé un petit pitch. Le principal Snyder force Buffy à organiser la réunion parents-prof du lycée. Donc ça, c'est... On comprend, pour Buffy, c'est la pire chose qui peut arriver. C'est pire que la nuit de la Saint-Valérien. Qui est une nuit mythique pour les vampires et en particulier pour le juste des justes, hein, donc, qui est le big bad pour l'instant de la saison 2, qui est le digne héritier du maître. Mais l'arrivée de Spike, un vampire pas comme les autres, va tout bouleverser. Ah là, bravo. Je pense pas que j'aurais fait mieux. Le sommaire, de quoi allons-nous parler ? On va parler de Die Hard, bien évidemment, donc la référence de cet épisode. On va parler un petit peu. Pas beaucoup, mais un tout petit peu d'un personnage qui arrive, qui débarque dans la série, dans cet épisode, qui s'appelle Spike. Vous connaissez Spike ? Oui. Je crois que Yael... De mes rêves. Donc ouais, c'est un des gros personnages emblématiques de la série. Ouais, donc il écrase tout l'épisode. C'est le premier épisode où il apparaît, et oui, on peut dire ça, il est ultra présent, et on va parler donc de sa caractérisation et donc de la manière dont il est présenté dans cet épisode. On va parler de la double identité de Buffy, donc ça c'est un sujet qui revient constamment, des adultes qui ont toujours tort dans cette série. Et on va aussi parler d'autre chose, Yael, hein. Bah oui, moi je trouve que Schoolheart, c'est le moment, en fait, c'est le premier épisode de la saison 2 finalement, même si c'est pas le premier, parce que c'est le moment où on change de méchant radicalement, et où en fait la première phase de la série où les méchants étaient archaïques et des cauchemars et des monstres, littéralement ressemblaient à des monstres, parlaient comme des monstres en vieil anglais poussiéreux, sont tout d'un coup remplacés par des gens comme Buffy, des pères, P-A-I. R, hein, oui. qui parlent comme elles, font des blagues, regardent la télévision et potentiellement, pour ceux qui ont vu la saison 2, il va y avoir Spike, mais il va y en avoir un autre qui va être un antagoniste dans cette saison et qui sont clairement des gens avec qui elle a des rapports sociaux, pour ne rien dire de plus précis que ça. C'est ça, ouais, non mais oui, non, mais très bien. Donc tu vois. Pour moi, c'est l'ouverture de la deuxième phase et pour moi, toute la série, enfin, une des raisons pour laquelle c'est brillant, c'est que chaque saison à une thématique différente, et le méchant est toujours un écho à cette thématique, enfin cette étape du roman d'apprentissage. Et là, l'étape, c'est les gens de mon âge, les gens, enfin les rapports sociaux. Aussi, donc le méchant est comme elle, quoi. Ouais. Donc c'est, on le rappelle, donc troisième épisode de la saison 2, on est au tout début de la saison 2, donc il faut jeter les bases de ce que va être cette saison. Donc, voilà. Vous êtes prêts? Je lance. Je m'équipe de ma télécommande. Attention. 3, 2, 1. Taupe. J'ai lancé l'épisode, donc nous allons regarder ensemble l'épisode et le commenter. C'est complètement dingue. Donc c'est parti. Et la caméra ensuite nous passe sur Sheila. Enfin, on ne sait pas encore, mais c'est Sheila. Et ensuite Buffy, quand la, qui correspond à la réplique de Snyder sur qui est la plus turbulente du lycée. Et on voit que cette pauvre Buffy n'a rien demandé. On voit tout de suite que c'est Sheila la rebelle, quoi. Mais clairement, Snyder n'a aucune envie de lui laisser la chance de la rédemption, malgré ses tentatives très très très lamentables de s'excuser de fois brûler un bâtiment. Elle a peur de Snyder, elle a pas peur des démons. Oui, Snyder là, elle joue vraiment comme une ado. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils font une référence à la fin du dernier épisode où justement, donc en se battant contre le monstre de Frankenstein Quarterback, vous vous rappelez, Daryl, elle a mis feu à un ancien bâtiment du lycée, et du coup, c'est ça que Snyder lui reproche. Donc c'est marrant parce qu'on vous a souvent parlé de la série qui passe du procédural au feuilletonnant, et donc là c'est ça, on fait un lien déjà avec l'épisode précédent et on montre à Buffy que ce qu'elle fait, c'est, elle n'est pas finalement comme tous les super-héros, il y a des conséquences à ce qu'elle fait et des conséquences sur sa vie normale entre guillemets, et ça c'est intéressant On parle un peu de mise en scène aussi parce que Buffy, d'habitude, l'héroïne en contre-plongée face à Snyder, elle est en plongée et Elle est toute petite, carrément. Absolument. Et c'est d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est la première scène dans tout l'épisode. Et là, c'est Snyder qui lui fout la pression au niveau lycée. On va voir qu'après, il y a plein d'autres scènes où d'autres gens lui foutent la pression d'autres façons, de façon différente. Et après, il y aura sa mère, il y aura Dice, tout ça, quoi. Mais ce que j'adore là aussi, c'est que c'est le moment où elle dit que quand sa mère la regarde, elle voit chier. Et ce qui montre aussi un des grands thématiques de Buffy, c'est qu'elle est incomprise en fait. C'est injuste. You're bad to the bone. C'est injuste. Moi j'ai une excuse, c'est quoi son excuse à elle, ouais. Et donc là, donc les trois amis discutent. Et Xander va lâcher phrase as long as vous n'avez pas d'appels, on t'aime. Tant que rien de mal n'arrive, bref. Et là c'est une réplique classique de cette série, voilà. Que quand quelqu'un le dit derrière quelque chose de cool, et voilà, et vu qu'on est dans une série presque méta, une série dans laquelle les héros ont conscience d'être des héros, en gros, et bah tout de suite les deux filles lui font remarquer à son heure qu'il fallait pas dire ça. Quand quelqu'un dit ça, c'est là qu'arrivent des choses pas cool. Et effectivement, les filles en ont conscience, mais vu que Xander a lâché ça, quelque chose de pas cool arrive. Et on y arrive. L'épisode commence en gros. Sunnydale qui écrase la quelqu'un écrase Sunnydale, c'est ça. Et nous découvrons le plus grand personnage de la série. Qui, effectivement, mais qui aussi surtout la mise en scène nous apprend tout de suite, c'est un personnage important, imposant. Et c'est un méchant. Et c'est un méchant. Mais c'est un musique bien lourd de méchant. C'est un vampire, il a son visage vampire directement. Ouais, mais c'est un vampire moderne par rapport à ce qu'on avait avec le maître jusqu'à présent. Ça fait comment ? Allez, on va le voir directement. Il porte effectivement un peu de cuir, il a une bagnole, mais la grosse différence avec tous les méchants qu'on a vus, c'est la première fois qu'il y a un méchant, on dit Je voudrais que je fasse un top 3 pour Buffy. The master is dead. Someone has to take his place. Ou un sondage. Alors, as long as the Slayer is alive, whoever takes his place will share in his grave. Première réplique, Master is dead, someone has to take his place. Le maître est mort, quelqu'un doit prendre sa place. Donc voilà, la thématique de l'épisode est donnée. Le maître est mort, quelqu'un doit prendre sa place. Donc on imagine que ça peut être la Naughty Dog, ça peut être le mec là qui est en train de parler. Et il a l'air nul avec son vieux gilet tout moche et tout. Il a l'air nul, ils ont son lieu, il parle d'une cérémonie. Voilà, c'est chiant. Et tu te dis, mais oh non, c'est encore des méchants chiants. Faut que je fasse avance rapide, mais non. Parce qu'il y a Spike qui arrive. Et voilà, bim. Et qui arrive et qui fait un lien entre la crucifixion, on appelle ça comme ça en français, la crucifixion et Woodstock. Génial. Et qui est une façon de dire, moi je suis du 20e siècle. Parce que c'est vraiment le 21e, mais à l'époque c'est encore le 20e siècle. Ils étaient juste méchants. C'est pour ça qu'il est plus Woodstock que Crucifixion. D'ailleurs, il appelle la Naughty One, il appelle la Naughty Guy. Le mec des règles. Ah, c'est un rebelle, bordel. Attention, attention, il est sur le point d'arriver le moment essentiel de caractérisation de Spike, qui est, il est méchant et hop, il arrive. Et là, tout d'un coup, regardez son visage. Première fois qu'on Et il montre son vrai visage. Et tu dis, le mec, il avait 37 ans à l'époque, you comment c'est possible? Un truc comme ça, 62... Alors, la dernière fois, c'est que là, il 35. Change de tout dans cette scène, quoi. Il est bien... Alors là, on peut parler un petit peu de Drusilla. La dernière fois qu'on a vu Drusilla dans le podcast, Clément, tu nous avais dit que Juliette Tadon avait joué dans Ed Wood. Tu te rappelles de ça? Yeah, oui, je me rappelle, c'est ça. Et bien, figure-toi que Joss l'avait adoré dans Ed Wood. Et justement, il l'a... Donc, Ed Wood, qui est un des meilleurs films, voire le meilleur film de toute façon. Non, mais c'est pas d'accord. Si. Et Mars attaque. Mars attaque à l'audio. Et donc Joss. Joss a proposé du coup le rôle de Drusilla à Juliette Lando après l'avoir vu dans le film d'Otto Sachs. Clément, t'as fait attention à participer aujourd'hui. Hein. C'est pas attention, comme ça d'habitude. Attention, justement, par rapport à ce truc-là. Oui, c'est n'importe quoi. Donc, il lui a offert le rôle à elle, mais lui, ils ont mis des mois et des mois à le trouver. Et dans la première audition qu'il a fait, ensemble, ils ont trouvé ce plan que vous venez de voir. Ils sont sur le point de s'embrasser, finalement, ils tournent la tête en même temps. Et ils l'ont fait en spontané, improvisation. Et c'est le moment où ils ont dit, OK, on prend lui, c'est sûr que c'est lui. La magie du casting, le coup de foudre. Sachant que l'autre anecdote, c'est qu'apparemment, les deux personnages trottaient dans la tête de Joss Whedon depuis 8 ans, quand il a fait parler d'écrire. Donc ils les avaient imaginés longtemps avant. En fait, c'était Sid and Nancy en vampire. Oui. Mais bien avant, c'est ce qu'il avait dit à Joss Whedon. C'était, ça fait 8 ans que je les ai dans la tête. C'est pour ça qu'ils sont aussi caractérisés. C'est pour... Ouais, non, mais voilà, ils sont aussi différents de ce qu'on voit d'habitude. Non, mais carrément, carrément. Et là, l'autre truc, après je regarde sur Spike. Elle lui demande de tuer The Slayer. Elle lui dit, tu l'as pour moi. C'est exactement ce qu'il ne fera pas. Et c'est exactement pour ça qu'elle va le quitter. Non, mais c'est ça, c'est le moment là, c'est toute leur relation qui est dans cette scène là, parce qu'en fait, c'est exactement pour ça qu'elle va le quitter, c'est parce qu'il veut pas la tuer. Et il y a aussi une légère référence à Othello, hein. On sait l'amour que porte Joss Whedon pour Shakespeare, et il dit I chop her into pieces, et c'est ce que dit. Alors, je suis pas spécialiste Othello, mais c'est ce que dit Othello à Iago. Ouais, Iago essaye de convaincre Othello de tuer sa meuf, parce qu'il veut lui convaincre qu'elle est infidèle, et c'est ce qu'il dit qu'il veut faire. Voilà. Tout est déjà là, la future relation amour-haine de Spike. Et ça se termine par cette phrase de Spike qu'on a dépassée là, mais où il dit « Et shit, il le dit avec son petite légèreté qui est le ton de Spike, et c'est qu'il a raison pour lequel on l'aime bien, c'est qu'il a tout le temps des petites réflexions comme ça. Et avec son accent british complètement fin, bien sûr, il est pas du tout anglais. Il est très bon. Donc là, on est dans la chambre de Buffy, et là, je vais faire un parallèle entre Buffy, John McClane, McClane, bien, bah, bien oui, évidemment. De Die Hard. Les deux sont le même combat. Hein. Je vous rappelle que l'épisode fait beaucoup référence au film Die Hard. Et voilà, les deux galèrent dans leur vie privée. Hein. Si vous avez vu le film, vous le savez, John il galère avec sa femme. Buffy là, il galère avec sa maman. Et la pression. Mais voilà, et sa femme aussi. Il dit, faut que tu déménages, sinon on va dire tout ça. Vous voyez, Die Hard, c'est un très bon film. Finalement, tu le résumes. Ils vont être contraints tous les deux par la situation de montrer leur vrai visage, en fait. C'est dans leur vie perso qu'ils sont un peu nuls et qu'ils en chient. Et ils réussiront finalement à montrer à leurs proches qu'ils peuvent être incroyables, mais dans d'autres domaines, dans leur domaine professionnel. Et d'ailleurs, Buffy le dit juste là, elle va le dire, « I have a job ». Elle a déjà un boulot, mais sa mère ne le sait pas, et sa mère ne sait pas à quel point c'est important, tout comme John McClane, qui a son boulot, qui est de buter des terroristes, et quand ça... C'est un vrai boulot, il fout des méchants en prison, c'est ce qu'il dit. Il buter. C'est un défenseur. C'est ça qui fait avec c'est le protecteur. Bon, c'est qu'est-ce qui se passe au lycée? Petit fond de la peinture, c'est très important, t'as la peinture, parce que Buffy prépare donc... If he does, he meets another nice girl, studying comes first. Tu l'as jamais fait. I can study and voilà. Party and do parent teacher night and make them proud as long et qu'il y a tout un truc où les lycéens sont impliqués dans les trucs et elle dit effectivement elle fait ce qu'elle a reproché à Giles c'est-à-dire qu'elle a dit non mais je vais pouvoir étudier et faire la fête et rendre ma mère fière du moment que je n'ai pas à tuer les vampires et bien sûr à ce moment-là Giles arrive donc elle s'est tirée une balle exactement comme Xander avait fait au début de l'épisode. Et là, Jay, c'est ce qu'il fait dans les deux premières saisons. Il est tout le temps là à revenir pour lui parler de son rôle, la remettre en la recadrer par rapport à sa vie d'adolescent. Alors qu'après, à partir de la saison 3, il accède beaucoup plus que Buffy. C'est vrai, ouais, mais pas au début de la saison 3, il accepte déjà. Et justement, c'est logique qu'il se fasse virer finalement que c'est la continuation de. Ok, well, if my slang doesn't get me expelled, then I promise my banner making will make me. C'est un meilleur watcher une fois qu'il s'est viré. Exactement. C'est l'évolution du personnage de Buffy aussi qui, en grandissant, accepte sa mission et n'a plus besoin d'adulte pour aller sur elle vu qu'elle devient un au début de saison 3, quand même, faut rappeler un peu. De saison 2, pardon, il faut remplacer les persos. Alors, petit détail important qu'on n'a pas noté, mais vous avez vu sur la joue, Buffy, elle a une marque de peinture. Vous avez vu, vous n'avez pas fait attention. Oui, oui. Et exactement au même endroit que Spike a une petite traînée s'est fait griffer par Drusilla. Les deux, bien sûr, c'est évidemment fait exprès. Les deux personnages sont extrêmement connectés dès le début. On veut nous montrer que Spike et Buffy ont énormément de points communs. Et d'ailleurs, ils ont cette marque par tous les deux, ce qui est leur point faible. Drusilla fait la marque à Spike et Drusilla, on verra par la suite que c'est son point faible à Spike et Buffy son point faible ça serait peut-être le lycée ça serait sa vie normale et voilà c'est en faisant la réunion parent prof. Oui, just make sure everything is perfect. Moi ça me paraît évident. Du coup on a raté le moment génial où on voit que Giles et Jenny sont vraiment pas doués pour la discrétion et qui se barrent de façon totalement ridicule et ils ont encore plus peur de Snyder que les ados c'est ça qui est non et surtout ils ont aucune envie d'avoir un salaire faut pas qu'ils se fassent virer non plus. Mais bon, Sheila au moins est revenue. Ah, bronze. Mon groupe préféré, les Nickel. Donc rien à voir avec Nickelback. Standard qui danse, il est génial. Buffy qui parle en français avec un accent dégueulasse, hein, on aime beaucoup. Spike est là et là, c'est là que commence le morceau Stupid Things. Sans Spike, que Buffy, c'est la tête. Il y a une c'est la tête, pas plusieurs. C'est la tête. Parce que là, il que Buffy, c'est la tête. Mais non, c'est pas qu'il est bien. Il y a une musique, alors le juste dit que ça montre une photo de Buffy. Non, mais effectivement, la question avant Facebook, comment est-ce que Spike a découvert comme à part comme les Buffy? Bah voilà, mais tu la ressens. C'est pas grave, parce qu'il sait déjà qu'il est. Et regarde, on sait que c'est elle, mais là, il se rend compte que c'est Buffy. Et il vient lâcher Chevelle dans son univers d'adolescente. Il va faire après. Pas dans son univers de tueuse. Rappelle-toi, Dracula, quand il vient chercher la tueuse, il vient la chercher dans le cimetière. Lui, il s'introduit, c'est pas qu'il s'introduit dans l'univers adolescent de la jeune fille. Et surtout, voilà. Il est là, ah, c'est ça la tueuse. Ah, mais en fait, elle est nettement plus. Mignonne. Voilà. Tu poses une question. Il est surpris, il dit c'est pas cette personne. Où je reviens à ma tête. Il a dit mignonne, mais c'est pas les mots que j'avais en tête. Where's the phone? I need to call the police. There's some big guy out there trying to bite someone. Clairement bandante, enfin, je suis désolée, c'est exactement ce que tu vois quand tu la regardes. Quoi. Ah, d'accord. Le mec au gilet. Et elle lui fait une grande blague. Slayer. Et elle répond Slayer. Et ne jamais qui a choisi ses fringues et pourquoi. Donc gros bisous à la costumière de Buffy. Parlant de gender, il y a Aurélien qui dit que c'est la pire danse au bronze. Alors là, sans dire qu'il fout le sac, c'est juste magique. Il sort le yo-yo. Le yo-yo, c'est très important. C'est le yo-yo déjà qu'on avait vu dans les épisodes d'avant avec lequel elle jouait. Parce que Buffy, c'est une ado, donc elle a des jouets d'ado. Et il sort aussi un tampon parce que Buffy, c'est une femme également. Et la sexualité, d'ailleurs, c'est très important. Dans la série, elle sort enfin un pieu parce que moi c'est ça, mais c'est ça, c'est une ado, c'est une femme, mais c'est aussi une chose, et bim! Ah, carrément! Quand il lance le pieu. À la façon dont il lance le pieu, c'est merveilleux. Par contre, le pantalon de Buffy, mais qu'est-ce que c'est? Mais là, Spike peut savoir déjà que Buffy est accompagnée de ses amis, c'est ça qui la différence. Parce que sans Xander, le pieu n'arrive pas. Tu connais-tu pas le vampire, donc et Spike aurait déjà deviné. Mais que... ce que j'aime bien, c'est que Buffy n'a pas du tout une réaction normale quand elle voit Spike. Elle n'a pas du tout la réaction qu'elle a d'habitude quand elle se bat. Elle est désarçonnée. Désarçonné. Bon, c'est tiens, c'était il y avait un gros souci de montage. Il y a un plan qu'on a vu deux fois, le même plan. Ça vous a pas dérangé alors? Bon, bon tant mieux alors. C'était le bon un plan où Buffy retournait la tête. Ou c'est maintenant la fin de l'acte 1? Non, là c'est le début de l'acte 2. Bah oui, parce que rappelle-toi, une règle de ce podcast et de la série Buffy, c'est à la fin du premier acte, le méchant doit avoir été identifié. Et donc, on finit l'acte 1 sur Spike. C'est ça. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on va découvrir encore une nouvelle facette de Spike qui est. Where are you guys? C'est un séducteur. C'est plus qu'un séducteur, c'est quelqu'un qui sait parler aux femmes. Not parce qu'il funny. Est cool et sexy. Non, en plus d'être cool et sexy, il sait parler aux femmes. Who do you want me to be? Il lui dit, ils étaient pas assez bien pour toi. C'est des losers. Non mais franchement, voilà, c'est tout, il y a rien d'autre à dire. Voilà, ouais, il arrive à charmer la petite Sheila. Donc il a été bad boy, you. Il a été amoureux, il a été chasseur, trouble fête. Prédateur et maintenant hey. Il est séducteur. Wait up. Mais il est beaucoup dans la séduction parce que pareil quand il a vu le juste des justes, tu avais ce côté un peu séducteur, je vais tuer la. Spike. Oui effectivement, il flirte avec tout le monde. De toute façon, ils se voient bien. Il bouffe à tous les râteliers, il y a pas de problème. Vous avez remarqué qu'il appelait Buffy Love. Maybe he's reformed. Ouais, dès le début. Et qu'il lui a donné rendez-vous. Bon, pour la tuer, mais il lui a donné rendez-vous. Et là, on est dans la bibliothèque et j'ai entendu que c'était un nom pas orthodoxe. En fait, il est pas dans les bouquins d'habitude. Ça prouve encore une fois que. We hide? Il est pas dans les, ouais, il est pas dans les règles, il est pas dans la norme. Il est pas dans les normes, mais donc il est pas dans les bouquins. Mais j'aime bien parce que cette scène est clairement utilisée pour les scénaristes pour montrer, oui, il faut avoir peur de Spike, parce que clairement dès le début, on n'a pas trop peur de lui en fait. Et donc cette scène, c'est vraiment à dire, si. Là, il est très dangereux. Et non, et surtout, dès Willow dit, vous vous rendez compte, c'est lui qui fait l'attaque. Ouh. Et ils sont tous là juste pour essayer d'encourager le spectateur à avoir peur. Bon courage. Mais, et ensuite, donc voilà, donc maintenant c'est Angel qui fout la pression à Buffy. Parce qu'en gros, c'est elle qui doit être plus claire dans leur relation si elle veut savoir. Tout le monde fout la pression à Buffy. Angel vient d'annoncer ça, ça fait de Spike une plus grosse menace. Mais non, c'est pas juste un ennemi. D'ailleurs, c'est pas crédible. Il ne savait pas encore que Spike allait rester. Justement, pour le faire rester, à chaque fois qu'il se battait contre Buffy, il se prenait une volée et puis il s'enfuyait comme un nul en fait. Okay, et donc c'est Spike qui n'était jamais trop pris au sérieux, sauf dans ce premier épisode. Donc là, chambre de Drusilla. Donc t'as des vampires au fond, au loin, qui font une espèce de prière. Tu vois une télévision, très important. Voilà, une télévision de poupée. Ah, une vampire qui aime les poupées, ça peut nous rappeler un peu aussi. Anne Rice, donc on parlera tout à l'heure. Oui, bah, elle est un peu vampire. Ça, c'est le plan qu'ils utilisent dans toutes les saisons suivantes pour montrer Drusilla. Bah oui, bah, ça la caractérise aussi, non ? Darling, are you going to eat something? Elle parle ici. Et là, c'est une facette de Spike. Absolument. Il fait pas ça pour rien. This is the place for us. Il est amoureux. Hellmouth will restore you. Put color in your cheeks, metaphorically speaking, and in a few weeks' time, the stars will smile down. Then, God, this town will burn. Mais regarde-moi ça quand même, ça donne pas envie d'être vampire quand tu regardes ça. Saint Vegas is coming up. Should be a party. Mais ce que j'aime bien. Oui, c'est ça ce bruit qu'on entend. Ce que j'aime bien, c'est la façon dont tu parles de Sheila comme si c'était un jambon suspendu à côté. Donc il n'y a pas de problème technique, hein, je dis ça pour ceux qui nous écoutent. Hein, les bruits étranges, c'est des killers qui bruit que mange Riley. I'll go up and get chanty with the fellas, but you got to do me one sympa, favor. Apporté, à manger. À sa pote Drusilla. Et ça, c'est sympa. Et là, il y a un truc qui est un peu cool, mais qui n'est pas totalement cool. Voilà, c'est le changement. C'est Drusilla qui devient. Dans le qui se transforme en vampire. Alors ça aurait pu être une très bonne idée, sauf que Sheila a la mauvaise idée de changer de position, ce qui fait un faux raccord très bizarre, mais l'idée est très bien de changer. J'adore les Scooby en train de préparer leur là, ça j'aime aussi le déco de Aurélien sur le chat. Qu'est-ce qu'il se passe? Mon dieu, regardez sa jupe, mais pourquoi tu portes ta Buffy? Drusilla et Spike se baladent avec leur lit à balles de thym. Excellente question. C'est dans la Cadillac, ça. Un super plan entre Cordelia et Xander. Dans ce début de saison 2, on voit clairement un rapprochement entre Xander et Cordelia par plein de petites touches. C'est marrant. Déjà dans l'épisode précédent, il y a tout un tas de clins d'œil. Et là, effectivement, le fait qu'ils sont plus complices. Il se passe, j'aime beaucoup la maison d'Ali, elle a pas besoin de beaucoup de pieux. De toute façon, s'il est horrible, Spike, on va tous mourir, donc à quoi ça sert? We're still all free on Saturday. Et surtout, j'y serais là samedi si j'avais pas. Une épilation. Et pourquoi des mèches blondes aussi. Non, mais regardez le brushing de Buffy et son gilet, quoi. Et les deux qui vont bouffer des trucs ensemble. Oui, ils sont faits l'un pour l'autre. En plus, c'est des poivrons, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. J'adore les poivrons. Gros plan gruyère pour monter sur le truc de douche. Oui, dans le gros plan sur le pont pour montrer que Sissi, elle a dit ce qu'elle allait faire. Et attention, attention, regardez Willow. How much sugar do you use? Je vais mourir, il n'y a pas de sucre. Et du coup, la scène, c'est génial. Je suis d'accord que les expressions du facial de Alison Hannigan sont. Hi, Miss Summers. Hi, Willow. Un bon début. Elle aurait dû être une actrice de film muet. Parce qu'il le dit dans l'épisode muet. Et moi j'aime bien la tête qui est faite quand on l'a passé, mais quand Buffy propose du punch à sa mère, elle fait derrière. Non, c'est un tout petit au second plan, mais c'est très très bon. Elle porte un haut, il y a un sourire. C'est la Californie, C'est les années 90, hein. Ouais, ouais. Mais j'étais en vie, en fait j'ai exactement le même âge que Buffy. Donc logiquement, que Buffy. À 3 mois près. Donc je peux juger ses goûts vestimentaires. Oui, mais c'est. Réunion par prof dure plus de 6 heures. Charles has locked up in that library. We can't hear what. Non, le mieux, c'est la phrase de Cordelia. Même les esclaves reçoivent le salaire minimum. Non. C'est sur la liste, ouais. Buffy essaie d'expliquer à Cordelia qu'elle a deux vies. Il y a l'huile, il y a l'eau, et puis il y a un troisième truc qui ne rentre pas avec l'huile et l'eau. Elle fait oui, je vois l'huile sur ton visage. Aucun. Elle dit et ta mère, elle sait s'hydrater. Cordelia, c'est un that knows how to moisturize. Did it like skip a generation? I'm afraid we need to talk. Le nombril à l'air, ça revient à la mode. Ah ! Quelle horreur ! Mesdames, ressortez vos piercings. Sortez, commencez la pétition immédiatement. You did such a good job. When they're done talking. T'es très en forme ce soir, je crois. Non, non, attendez, regardez, regardez. My guess. Cordelia dit une saloperie à Buffy et regardez la Prends du punch. Et Willow. Cordelia, prends du punch. Ah, j'adore ce plan. Ah, la caméra. Très bien. Tout doucement de Jace qui a enfin découvert que qui était Spike. William the Bloody. Et là, il nous montre que c'est important, que c'est un mythe important. Et voilà, mais voilà, la caméra. C'est le meilleur décor de la série. Oui, parce que c'est l'histoire. C'est là qu'il découvre l'histoire, c'est là qu'il découvre le passé, en fait. C'est pour ça que c'est génial. Ouais, puis enfin, même dans la Magic Box, c'est pas aussi bien, ouais, ça se passe que justement, ils ont un tellement beau décor dans la Magic Box, ils font moins d'efforts pour. Ouais, ouais. C'est vrai. Dans la saison 5, il y a mystérieux, il y a toujours ces plans sur Jace qui racontent. Mais je me demande ce qu'il a raconté Snyder quand même, parce qu'elle fait pas des trucs aussi horribles que ça. Ouais, mais il aime pas trop Buffy, donc à mon avis. Oui, ça, il dit des saloperies pour dire des saloperies. Je vous rappelle qu'il la voit à égalité avec Sheila. Donc il a dû dire des trucs pas cool quand même. Donc voilà, attention, attention. Elle est sur le point. Ouais. De voilà, logiquement, c'est terminé. Snyder, il éteint la lumière. Quoi. Alors là, il va se passer un truc. Je vous regardez bien le cascadeur qui joue au rôle de Spike. C'est très drôle. Bim! Et voilà, brisage de vitre. Voilà, il fait juste 50 kilos de plus que Spike, mec. Aucun achat. Le même plan que l'arrivée dans Gruber d'Academy Plaza dans Die Hard. Il disait je ne pouvais pas attendre. Et c'est génial, regardez les quelques premières minutes d'action, la façon dont elle après la pression et qu'elle soit aussi incapable de réagir, là elle réagit immédiatement. C'est l'autre Buffy là. C'est Et lui aussi d'ailleurs, lui, et là on découvre que c'est un leader. Oui, parce qu'on la voit dans le monde. Il monte un frère, mais ouais. Des phrases, allez regarder sur internet. Le nom, c'est une figure. Non, mais j'utilise. C'est une cascadeuse. C'est pas une figurante, c'est une cascadeuse. C'est pour ça qu'elle fait ça. Il y a Anaïs. Nobody got out. And the Slayer. Sur le chat, il y a Anaïs. She either went that way. À la fin de la saison 3, ils n'en pouvaient plus tourner à la vitesse. Ils ne pouvaient pas renouveler les plans. You don't know. C'est ce que l'on dit souvent. J'adore cette phrase. Moi, j'aime plutôt le veau. I'm a veal. T'es trop vieux pour que je te mange. You're too old. Voilà, ça a encore une définition de Spike. Il est cruel. C'est un vrai méchant. Mais en même temps, il a des standards. Moi, je suis plutôt. Je préfère le veau. I feel better. On a encore typique que plus otage de téléphone. They've cut the fame. Une sortie de secours dans la bibliothèque. Voilà. Il savait pas ça. You can get out that way. Find Angel. He knows about Spike. We need him. No, I'm not going anywhere until the Buffy and Willow are alright. No one will be alright unless we get some help. De quoi, ouais, il arrive à convaincre. Alors là, oui, là. Snyder. Comment on fait pour. Je fais un point PCP. It's a gang on PCP. C'est donc de son vrai nom, là. Fenciclidine. Donc note bien, Monsieur Pidine. They will kill everybody in this room. Et donc c'est un psychotrope hallucinogène, psychotrope absolument hallucinogène. Et donc si on en abuse, effectivement, on a une tête très très bizarre. Allez voir les photos, c'est assez moche. Et surtout, c'est un truc très dommage dans les années 80. Et voilà. Et du coup, ça, c'est ça. C'est une excuse qui va bien pour Snyder pour justifier le fait que ces gens avaient un visage étrange. Parce qu'on le comprendra à la fin, il sait en fait qu'il est un vampire. Il y a Eddie H qui dit qu'il y a plein à Sam Raimi. Je l'avais pas vu, autant pour moi. T'as raté le plan Sam Raimi, Clément. T'es pas attaqué sur Evil Dead ? Je mérite de me faire fouetter. C'est pas grave. I find one of your friends first. I'm gonna shut up dry. C'est génial. Surtout que moi j'avais appelé mon chat Drew, donc ça me parle. Encore une scène de prise d'otage classique, il y a des personnages qui sont sur le point de se faire attraper. Il y a ça dans le Et derrière, il y avait aussi une conversation Snyder dit à Buffy, Who do you think you are? Tu te prends pour qui? Et il y a ça aussi dans Die Hard avec le chef adjoint de la police qui dit ça à John McClane par radio. Et voilà, les deux. Il y a un débat sur qui est le chef dans cette situation. How are the others? Principal Snyder, my mother and four others are locked in the science room across the hall. Willow and Cordelia ran the other way. Ça aussi, pendant toute cette séquence, John McClane qui enlève sa chemise aussi, qui se retrouve en Marcel. Bah oui, non, c'est la même chose. Ok, I'm gonna take the vans out in the hall after that and get my mom and others out the same way. Et non, parce qu'une nana, même quand elle se bat, elle doit passer des talons. Merci les filles américaines. Ou les films américains, vous avez vu juste à faire cette world? Non, pour pas, voilà. Well, they split up to hold us here. Bah c'est pas mal, mais les talons, c'est... Enfin bon, c'est pas grave. D'accord. Mais bien sûr, quand j'ai un dinosaure qui me court après, je garde mes talons. D'accord. La Black Widow, elle a des talons. Oui, bah oui, elle a tous des talons. C'est pas grave. Donc là, il y a toujours un débat. Les adultes sont... Le FBI, c'est plus Snyder. Excellente réplique, de Spike qui dit j'y arrive pas, que faire ça toute la tête. Oui, tout à fait. La fameuse hache de Buffy qui est utilisée dans tous les épisodes. Et quand on disait qu'il fallait la sortir du bahut. Ah ouais, par contre, il y a tous les épisodes qui sont. Non, mais une hache dans une école, ça peut se faire. Attention, quelqu'un va se faire bouffer. Ah, il y a les jambes qui bougent, comment pas se faire bouffer. Genre, ils ont mis 3 heures à ouvrir les volets et elle pousse ça et c'est bon. On est où là? Et là, on en est au point où Spike essaye de trouver Buffy dans le plafond. Bah oui, classique conduit d'aération, faux plafond. Donc, Die Hard, hein, là, j'arrête de vous la faire, mais c'est évidemment du Die Hard aussi. Angel. Angel et Sander. Il a un plan. Good plan. Il est méchant. Tu crois qu'il est méchant? Mais non, parce que à ce moment-là, Sander dit bon plan. T'as raison. Mais Cordelia et Willow, elles sont trop mignonnes. C'est là. Juste l'épisode dans le placard. Lui, il commence à perdre patience. Et comme il a pas de mitraillette comme les terroristes allemands, il a des espèces de tuyaux là. Mais le résultat est le même. Le résultat est le même, il fait des trous dans le plafond. Comme les trous de mitraillette. Mais je suis pas sûr qu'elle le voit Justement, sa fille tuer un vampire. C'est ce qu'on peut penser à travers ce plan. C'est pour ça que c'est pas super clair. Bah, elle ne sait pas. Bah oui, mais bon, la mise en scène peut. Ah, priorité Jack, référence à Evil Dead. C'est exact. Non, il y a le même plan. Sheila n'est pas perturbée par l'annonce de Buffy. Elle dit ok, elle prend une hache dans la main. Elle dit il y a un truc chelou avec. Et voilà. Angelus. Spike et Angel. Ah, et Angel, Angel est mauvais, donc c'est officiel, il a pas mission d'appeler. Là, il joue trop mal. Moi, je trouve qu'il le joue trop mal, le Angelus. J'adore Angelus d'habitude, mais là, il le fait trop mal. C'est le premier fois qu'il le joue. Il est pas Angelus. Oui, oui, c'est ça, il sait pas l'être. Quand il l'est, il est vraiment bon. Non, David Boreanaz est très bon Angelus. Angel lui-même est nul quand il essaie de faire semblant d'être Angelus. Comment pas gâcher Sheila? Il joue, il fiche qui? Tu penses? Non. Gave the puppy dog a more tortured act. Mais là, j'aime bien cette scène. it off my back when I did. Il y a plein de références, là, il parle de Anne Rice. People still fall for that Anne Rice routine. What a world. Et il se moque de Angel en disant qu'il fait un plan à la Anne Rice et qu'il n'arrive pas à croire qu'il y a encore des gens qui tombent dans le panneau quand tu fais un plan Anne Rice, alors que justement Anne Rice est probablement une des grandes inspirations du personnage de Spike, qui est le Lestat de Buffy. En fait, ouais. Anne Rice, c'est séduire, en fait, c'est le vampire. Spike, ce serait Lestat et Angel, ce serait Louis, c'est ça? Je suis pas sûre qu'en fait ce serait lui, je ne connaissais pas assez bien, mais je sais que les corrélations entre Spike et Lestat, notamment sur la progression après, mais aussi sur son rapport à sa mère, sur son rapport au rock, c'est un des premiers plans que j'ai vu de la série. Ah, il y avait si, aussi. C'est Claire Mayvilden là. Ah, on va revenir un peu derrière. Et là, ce qui est bien, c'est que Sheila se barre et on la revoit jamais. Donc ça veut dire qu'il y a un vampire de plus dans la nature qui tue des gens. Je tiens juste à le préciser. Et ça a l'air de plus personne. Ça fait très shiny la tête de Joyce collée contre la. Get them out! You're coming too! 2 minutes, go! Buffy! I haven't seen you. Alors ça y est, ça c'est le bluff où Spike essaie de voir. No, you never were. Essaie de comprendre pourquoi. Why so scared of the Slayer? Angel fait ce qu'il fait. Time was, you would have taken around the heart. Non mais on va voir. Par contre, Zender, lui, qui veut toujours, qui est prêt à tout pour croire que Angel est mauvais, parce que ça l'arrange. Lui, par contre, il y croit. Hein. Attention, tu vas voir sa tête. Hein. Ouais, il a très peur. Il ne sait même pas de ce. Mais non, mais il dit un truc. À un moment, il dit j'en étais sûr. Je sais pas comme c'était dans la scène d'avant. On a raté, on parlait trop. Bim. Allez, Zender, il pense que. Et alors, Spike, il est pas content, et là il va dire une insulte. Bon, d'abord il le traite de Yoda, ce qui est pas spécialement une insulte. Je voudrais qu'on note quand même la référence à Star Wars, s'il vous plaît. Non, parce que Yoda c'est un personnage de Star Wars, c'est ça? Ah, pardon. Et alors là, il vient dire un truc plus intéressant, il vient de l'appeler de Oncle Tom. Alors, Oncle Tom, c'est la case de l'Oncle Tom. C'est un livre qui en fait était fait pour la cause des Noirs aux États-Unis, parce que ça dépeint en fait la tragédie que c'était. C'était juste après 12 ans, enfin 12 Years a Slave. C'est sorti juste après aux États-Unis, donc au 19e siècle. Mais ça a beaucoup fait pour la cause et c'est devenu une expression péjorative qu'on utilise pour un, notamment un noir activiste qui serait plus là pour plaire aux blancs que pour se battre pour les droits des noirs. Et c'est notamment comme ça que Malcolm X appelait Martin Luther King. Et donc c'est intéressant, ouais, c'est de mettre en parallèle la cause noire américaine et les vampires qui pourraient être pris comme minorité raciale. Et donc ces deux positions différentes, une un peu plus violente et qui rentre dedans, et une un peu plus je fais copain avec. C'est très troublant en fait. Mais non, ce qui est très rigolo, c'est que là il vient de lui dire, il vient de mentir, il vient de dire que la dernière Slayer elle l'a supplié de pas la tuer. Et c'est un mensonge. Il lui a d'accord, il lui a fait hyper mal, c'est célèbre. Il lui a donné un grand coup de pompe dans la gueule. Et le problème, c'est que Buffy n'est pas venu, ça prend encore la bonne note avec la pompe de Buffy. C'est ça. Sans parler du fait qu'ils ont passé 5 minutes à son niveau vague au début du combat, c'est aussi un truc qui nous a. Voilà, on l'a pas dit, mais Spikes, et c'est vraiment la Buffy des méchants, la Buffy des vampires, quoi. Quelqu'un qui ne rentre pas dans les coups, qui n'est pas comme les autres, qui est. Riche, qui utilise ce qui se passe autour, qui a des sentiments, c'est vraiment. Ils sont vraiment les mêmes, les petits armes. Mais. Et voilà! Et il découvre Joyce qu'il va aimer pour le restant de ses jours, parce que rappelez-vous qu'il adore Joyce, Spike. Voilà, et ça c'est leur rendez-vous. Ouais, il a du respect pour ce et personnage. Et en même temps, il dit women, ce qui est très drôle, parce qu'effectivement, toute sa vie, les nanas foutent la merde dans sa vie. Et sur la seule chose qui m'intéresse. Ah bah écoutez notre podcast numéro 5 sur Crush, hein, on explique le rapport de Spike aux femmes. Joyce aux femmes, ouais. Et Joyce, c'était carrément H de Evil Dead. Exactement. En mode, j'ai la gueule, quoi. C'est il lui manque la tronçonneuse et. Bah, comme tous les samedis. Hein. C'est moi, je regarde Buffy une fois par semaine, j'ai regardé. Attention, on apprend que. Là, on apprend que. Voilà, c'est très bizarre. On apprend que il y a d'autres gens que Buffy et le Scooby Gang qui est au courant qu'il y a des vampires. Les autorités sont courantes, quelque part. C'est ça, effectivement. Effectivement. C'est le cache. Quelque part, ça reste cohérent. Parce qu'on se dit, au bout d'un moment, pourquoi personne ne se rend compte qu'il se passe quelque chose de... Moi, je trouve ça fort. Je trouve ça fort que tous les gens normands, entre guillemets, soient dans le déni sur les démons de l'existence. Je trouve que c'est vrai dans la vie aussi, quoi. C'est, la métaphore fonctionne jusque-là. Mais effectivement, le fait que ces autorités. So, when you gave him my next chew on, why didn't you clock him before he had a chance to clock you? I told you. C'est la première fois qu'on gèle, il y a une interaction sociale avec un personnage du Scooby Gang hors baston. Et hors Buffy, ouais. Hors Buffy. What's the deal with you being Spike Sire? Discute tranquillement. What's a sire? Avec Xander qui pose la bonne question. Mais c'est ton, tu es son sire? What's a sire? Ce qui est un peu la question que les noms férus de vampires posent en regardant l'épisode. Alors après, le sire, donc c'est censé être celui qui engendre, qui fait de toi un vampire. Sauf que c'est faux, parce que si on... Quand ils sont Yoda, c'est un peu son mentor. Non mais voilà, si on, en fait, à l'époque, ils n'avaient pas encore prévu que ce serait finalement Drusilla qui aurait engendré Spike. Et donc, dans une interview, Joss l'a justifié en disant que Sire pourrait être pris au sens beaucoup plus large, en disant que ça pouvait être, vu que Angel a engendré Drew, qui a engendré après Spike, ça serait son sire au deuxième degré, quelque chose comme ça. Effectivement, mais je suis d'accord avec cette justification. Et là, regardez le joli regard de Buffy, exactement le regard qu'elle a quand pendant sa prom, qui tout d'un coup, elle est surpris par quelqu'un qui lui fait un truc sympa. Plutôt qu'elle s'en prenne plein la gueule. Pour une fois, il se passe un truc cool, et ce truc cool, c'est sa mère qui lui dit « Je suis fière de toi ». Alors, je vais peut-être extrapoler un petit peu, mais on a Willow quand même qui ne peut pas sortir du placard pour le moment. Elle est coincée avec une fille, pas n'importe laquelle Cordelia, et donc elle ne peut pas sortir du placard. Et Cordelia, qui l'autre qui dit « Demande à Dieu de nous envoyer de l'aspirine », et elle qui commence à dire « Aspirine », et elle m'a fait « Hey !» Ah, priorité direct. Premier plan de la dernière scène, bon, mise en scène un peu maligne quand même, on voit la fenêtre, le rayon de soleil et la cage, et Spike et tout, enfin voilà, qui annonce la fin de la scène, c'est très très malin. Et Spike qui confirme qu'il a tout compris au film, c'est-à-dire qu'il a dit le problème de cette série, c'est qu'elle a de la famille et des amis, et effectivement, c'est exactement le concept de la série. C'était pas dans la brochure, c'était pas prévu, c'est une tueuse qui n'entre pas dans les cases, qui n'est pas comme les autres. Exactement comme lui n'entre pas dans les cases. C'est ça, voilà. C'est pour ça que c'est génial. Et là, la consécration du changement de phase, du changement de série, de la transgression de Spike. Voilà, Alex s'agenouille. Alors bon, si vous avez suivi un peu l'épisode, vous avez compris que c'est un mec qui ne respectait pas du tout les codes. Donc là, qui s'agenouille, c'est très mauvais signe. On sait clairement qu'il n'en pense pas du tout ce qu'il va faire. Et nous, fin de Saint Vigis, has been ruined by your impatience. Le juste des justes, c'est pas grave. Et d'ailleurs, le plan quand il se relève, et là, il commence à rigoler en disant. Il repasse. Et il y a toujours la cage derrière omniprésente. Exactly et the same. Only I do this. Gamin. On voit que c'est pas un gamin en fait. Ça va du Et c'est un pratique à la Anne Rice. Voilà. On va avoir un peu moins de rituel. Et on va un peu plus de fun. Ça résume bien. C'est complètement méta cette fin d'épisode. C'est-à-dire qu'il dit oui qu'on va avoir maintenant plus de fun. Et là, il va dire. Let's see what's on TV. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Donc voilà, c'est qu'il nous annonce clairement qu'il va changer la série, en gros. Que les vieux méchants à la papa, à la master, tout ça, des vieux films poussiéreux en noir et blanc qu'on connaissait avec les vieux codes, c'est fini. Maintenant, on va avoir des méchants un peu plus modernes, des méchants avec des coupes d'Europe, des sentiments. Il joue un peu comme une savate, il grandit, il est censé être un vampire. Il grandissait, il changeait d'apparence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un nouveau personnage préféré, on va lui faire dire exactement ce qu'on pense, qui est The Annoying One. Et un peu moins de rituel ici, on va s'amuser un peu plus, on le fout dans la cage et on s'en débarrasse. Et ça, oui, c'est merveilleux. C'est ce qu'on disait hors champ, cette faculté des personnages de Whedon à régulièrement dire ce que pense le spectateur. Quoi. Qui est une façon de créer une complicité entre l'auteur et le spectateur, et qui permet aussi du coup de crédibiliser l'univers. Alors, petite conclusion. Donc oui, le personnage de Spike ne devait qu'apparaître pendant que quelques épisodes et se faire tuer rapidement par la tueuse. Mais effectivement, devant, devant le potentiel de ce personnage, l'amour tout de suite qu'il a suscité auprès des fans et le talent de James Masters, ils ont... James Masters, est-ce que tu peux s'il te plaît massacrer son nom? Parfois j'oublie des S, là j'ai oublié un R. Est-ce que vous avez des choses en conclusion, vous? La petite anecdote par rapport à ça, c'est qu'au-delà du fait qu'il était... il était bien à écrire, l'acteur était super, les fans l'aimaient, mais au-delà de ça, les co... les acteurs, les autres acteurs l'aimaient, parce qu'en fait, les autres acteurs, l'anecdote, c'était que dans, notamment dans la saison 2, parce qu'après, c'est devenu un peu différent, mais le principe de la saison 2, c'était tous les acteurs disaient, chaque fois que j'ai une scène avec Spike, c'est une scène où il se passe un truc pour mon personnage, c'est une scène où quelque chose est révélé, où il y a un truc émotionnel fort. Et donc, ils voulaient tous des scènes avec Spike, donc automatiquement, on a besoin de Spike. Ensuite, comme on le sait, il est que dans un épisode de la saison 3, et quand il est revenu dans la saison 4, la légende dit que c'est Sarah Michelle Gellar qui a dit à Whedon, si tu le fous pas sous contrat tout de suite et le mets en régulier, il va nous passer sous le nez. Tu m'étonnes. Sachant qu'ils ont passé toute la saison 4 à pas savoir quoi faire de son personnage et à essayer de lui faire un faux Cordelia, mais à pas vraiment savoir, donc d'épisode en épisode, lui donner de nouvelles fonctions, jusqu'à ce que tout d'un coup il ait l'illumination du début de la saison 5 en disant mais je sais, c'est quoi le truc de Spike, il en est amoureux depuis le premier épisode, parce que James Masters s'était dit qu'est-ce que je vais faire dans cette scène, je vais faire genre que j'ai envie de me la taper. Et c'est la scène du bronze. Et je conseille à n'importe qui de regarder les photos promotionnelles de ces premiers épisodes avec Spike et je vous mets au défi de trouver une différence entre ces photos-là et les photos de la saison 7. Mais il ne vieillit pas. Non, mais non seulement il ne vieillit pas, mais surtout la façon dont il la regarde, tout est déjà là. Bon, on a fait le tour de cet épisode ou vous avez encore des trucs à rajouter? Ce qu'on découvre dans cet épisode, c'est que Buffy est incomprise par tout le monde, notamment ses enjeux. Oui. Mais que Spike aussi, parce que entre chaque scène, on a l'impression que c'est quelqu'un de différent. Alors, bon, on passerait bien à la rubrique de l'invité. Mais bon, qui dit rubrique dit jingle. Alors attention, c'est parti. What are you doing? My boyfriend, go away. Psychologically, this is fascinating. Doesn't it make everyone want to lock them in separate rooms and do experiments on them? Naked girls, naked women, and naked Buffy. Oh, stop me. Which question do you want me to answer first? Ok, super jingle. Ah, c'est plein de répliques que j'adore. Alors, rubrique de l'invité, Yaël. Oui. Nous allons parler un peu de toi. Ok. Nous avons trois questions que nous posons à tous nos invités à chaque fois. Oui. Tout d'abord, quel est ton épisode préféré de Buffy? C'est une question totalement injuste. Je sais. Et il est totalement impossible de donner une vraie réponse. C'est pour ça qu'elle est drôle. Donc je vais donner une réponse plus complexe. La première chose que je vais dire, c'est que clairement, il y a trois épisodes qui sont supérieurs au reste de la série. Qui ne sont donc pas mon épisode préféré, parce que ce serait trop facile vu que c'est les trois meilleurs épisodes de la série. Premiers épisodes de la série, c'est selon moi, bien sûr. Restless, The Body, Once More With Feeling. Donc, Restless, qui s'appelle dernier de la saison 4 avec les rêves. The Body, qui cauchemar, est... Cauchemar, je crois. Cauchemar. Ça, cauchemar, The Body, qui est celui où Joyce meurt. Orpheline. Orpheline. Et Once More With Feeling, que le spectacle commence, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Qui est la merveilleuse comédie musicale, mon épisode préféré, c'est Conversations with Dead People, qui est l'épisode 7 de la saison 7. En plus, quel joli 7-7, qui est pour moi l'épisode. En fait, j'ai compris des trucs sur Buffy et sur la série et sur mon attachement à la série en regardant cet épisode. Puis, c'est un épisode qui s'adresse aux fans. Et et puis enfin dans la psychologie de Buffy aussi, dans la enfin voilà, c'est le truc de pourquoi elle fait ce qu'elle fait, pourquoi moi ça m'intéresse, et parce que donc ça, ce puis en plus il est drôle, il est bien écrit, il est beau, il y a une chanson qui a été écrite pour, il y a cette espèce de truc bizarre au début avec la date et l'heure, enfin stylistiquement c'est un épisode génial. Mon numéro 2 ce serait For Love, qui est l'épisode sur le passé de Spike, parce que bien sûr, et puis surtout parce que pour le combat de la fin où il lui explique pourquoi elle a envie de mourir, mais voilà, mais après les trois meilleurs restent les trois meilleurs, je pense qu'on peut pas... Tout à fait. C'était une très belle réponse, non, très bien construite. Le chat dit que Once More With Feeling ne se regarde qu'en VF de toute façon. C'est qui? C'est Pitou qui dit ça? Non, c'est même pas Pitou, c'est Mathias de l'Inclair. Pitou aurait pu dire ça. Comment tu as découvert Buffy? Et je crois que c'est une anecdote très intéressante, mais peut-être c'est pas intéressant, tu racontes pas. Alors que j'étais jeune, désœuvrée, et n'avais aucun dieu. J'étais en vacances dans la banlieue de Toulouse avec ma meilleure amie et j'avais passé un certain nombre de mois à l'extérieur de la France et donc j'avais pas regardé la télévision. Et on était dans un Formule 1 de Toulouse. Très et bien. On a zappé. Très bon placement. Et j'ai vu un truc et j'ai dit c'est quoi ? Et ma meilleure amie Marine a dit oh, c'est un truc génial avec des vampires. Et j'ai fait ouh et là ma mère a fait ouh ça a l'air de faire peur. Éteins. Et cette première transgression, je pense que ma mère, la désapprobation de ma mère vis-à-vis de cet amour naissant, voilà, a tout changé. Et quelques jours plus tard, j'ai réussi à aller sur M6 et regarder les épisodes. 3 mois plus tard, j'ai acheté le premier Watcher's Guide en anglais et j'ai passé une nuit. Ah oui, carrément. J'ai passé une nuit où j'avais la grippe, donc j'avais la fièvre, à lire l'intégralité en anglais du Watcher's Guide et je crois que ça a attaqué mon cerveau en fait, parce qu'il y a une espèce de transfert entre la fièvre, le fait de pas dormir et de lire les trucs en anglais, et surtout j'ai découvert la qualité du texte, parce que dans le Watcher's Guide il y a plein de citations. Et donc j'ai découvert toutes les blagues et j'ai commencé à noter toutes les blagues les unes après, et du coup je disais les répliques sans les avoir entendues parce que je l'ai lu qu'en français, voilà, et puis après c'est... C'était voilà, 15 et 17 parce ans plus tard, je suis là. Tu me racontes, parce que t'es traductrice aussi, du coup. Alors voilà, dernière question, qu'est-ce que tu fais quand tu ne regardes pas Buffy ? Voilà. Alors, je regarde beaucoup d'autres séries. D'un point de vue, on va dire, professionnel, oui, donc je fais plein de choses très différentes, mais une des choses que je fais depuis 2007 maintenant, c'est être traductrice. Oui. Donc je parle plusieurs langues, mais notamment je parle anglais couramment. Et... quand, par ce joli après-midi d'été 2007, j'ai rencontré David qui donnait son flyer, j'ai découvert qu'il y avait une convention Buffy. Je lui ai écrit un mail pour savoir si je cherchais des bénévoles. Et les choses ont fait que je me suis retrouvée être la traductrice de l'événement au bout de deux mois. Convention Buffy en 2007. Voilà, absolument. Avec Juliette Landau et George Genty, que j'ai le plaisir de rencontrer. Voilà. Et Juliette Landau qu'on voit sur ce menu DVD, tu la connais en vrai. Et c'est comme ça que je sais le truc. C'est comme ça que je sais les 7 et 8 ans que Joss Whedon avait dans la tête pendant 7 8 ans, c'est comme ça que je sais que la scène vient de le truc, c'est parce que c'est elle qui l'a raconté. Oui, toutes les anecdotes que tu viens de nous raconter, voilà. Voilà. Et donc voilà, elle était absolument charmante. On est vaguement encore en contact avec David de temps en temps, il y a des emails qui passent. Et avec George Genty aussi, on est amis sur Facebook, c'est super cool. Et il a une fois pour juste pas pourquoi écrit un truc voilà sur et maintenant en plus George Genty il dessine plus Buffy mais c'est le dessinateur en fait des premiers comics Buffy saison 8. Ah, ouais. Et maintenant il fait Firefly donc c'est super cool aussi. Ah, comics Firefly. Ouais, et Joss Whedon en parle tout le temps de George. D'accord. Donc ça c'est cool, donc ça c'était en 2007, puis mon ami David a continué à faire des conventions, et en 2010, on a organisé une convention musicale, enfin il a organisé, parce que moi je venais surtout le jour de la convention, convention musicale pour l'épisode musical de Xena, et l'épisode musical de Buffy. Xena, on en parle pas, d'ailleurs, on en parlera après de ton article sur je Xena. Je peux en parler longuement de j'ai Xena. J'ai lu ton article sur Xena. J'ai fait 3 ou 4 conventions Xena, donc je peux longuement en parler de Xena. Donc t'es une fan de Sam Raimi. C'est plus compliqué que ça. T'aimes bien ce travail. Il y a des trucs de Xena qui sont bien, mais c'est plus les auteurs. C'est plus les auteurs. J'ai du mal avec Evil Dead, justement. T'as du mal avec Evil Dead. Quelqu'un est sur le coup. J'en ai jamais vu aucun entier. D'accord, je crois qu'on va arrêter le podcast ici. Non, Clément, reste. Sinon, si vous voulez pas passer la nuit, quand je voulais dire une anecdote. On a du temps. Et donc, on a fait l'épisode. Donc, pour l'épisode musical, on a eu le plaisir d'avoir Nicholas Brandon. Et donc, ça, c'était en 2010. Et en 2012, entre-temps, j'étais la traductrice. La traductrice principale de Comic-Con Paris, en tout cas en 2011 et en 2012. Et en 2012, ils ont, à l'intérieur de Comic-Con, il y avait une convention Buffy où il y avait Charisma Carpenter, Christine Sutherland et à nouveau Nicholas Brandon. Charisma Carpenter qui est adorable et qui est sublime. On te croit. Non, mais tu imagines pas ce que c'est que de l'avoir en vrai, en fait. J'imagine. Et qui en plus me regarde et me dit. Le dernier jour, j'avais des boucles d'oreilles argentées avec des strass et tout, et elle me fait « Oh, they're so cute !» Et moi, je suis là « Ah !» Bon, voilà. Donc, elles étaient adorables, Christine Sutherland et Cassandra Cameron. Et c'était très drôle parce que on se rend compte que tous les gens qui ont bossé sur cette série, en fait, dès qu'on leur pose des questions aussi basiques que « Alors, c'était drôle sur le tournage ?» ou « Racontez une anecdote d'une scène qui vous a marqué ?» En fait, très rapidement, ils tombent dans des conversations existentielles. C'est très drôle. Et ou des trucs de fond hyper intéressants, et notamment aussi sur le... Enfin, elle parlait du fait que... elle était naïve à l'époque. Et de penser que c'était normal d'avoir des scripts de cette qualité-là. Et ensuite, le reste de sa carrière, elle a fait... Drôle, les rôles comme ça existe rarement, en fait. C'est pas... Elle s'en rendait pas compte à l'époque. Et non, et puis la façon dont il parle du travail de Joss et dont il parle du travail ou dont elle parlait du travail de David Greenwald, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Et puis on sentait qu'il y avait, ils avaient du fond, une réflexion sur la vie, sur, et surtout sur tous les thèmes et les métaphores de la série, en fait. C'était vraiment hyper agréable. Et bien sûr, la plus grande expérience de traductrice que j'ai eue, c'est le 21 janvier 2014. Joss Whedon est venu à Paris pour présenter Beaucoup de bruit pour rien. Et j'ai réussi à convaincre. J'ai fait une proposition professionnelle au distributeur du film en leur disant: je pense que pour votre événement, vous auriez besoin d'une traductrice. Il se trouve que j'ai une petite expérience en la question. Et donc on s'est rencontrés. Mais ils m'ont dit oui 4 jours avant. Donc pendant 2 mois, j'étais là: ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et donc ils m'ont dit oui 4 jours avant. Et en fait, non, ça s'est très, très, très, très bien passé. Et puis bien sûr, l'intégralité des gens que je connais étaient dans la salle. Buffy, tu rencontres Joss Whedon, tout ça. Une fois dans ma vie, et j'ai eu le plaisir donc de passer quelques heures à ses côtés et pouvoir lui parler un petit peu et l'écouter parler, me rendre compte qu'il est aussi gentil, intelligent et loufoque qu'on peut l'imaginer. Et ensuite de faire, mais le problème c'est que pendant le dîner on a bu 2 coupes de champagne ou 3 coupes de champagne et moi j'étais de toute façon complètement partie. Et d'un coup on arrive dans le cinéma, je me dis faut que je fasse traductrice interprète pendant 45 minutes, je vois pas que je dis de conneries. Et là pour le coup aussi la vidéo est sur internet, vous pouvez la trouver sans problème de l'intervention. Quand tu bois du champagne avec Joss Whedon. Il y a une vidéo sur YouTube. Non, de comment je suis après. Moi personnellement je me trouve insupportable à regarder parce qu'on sent que que je suis hyper excitée, mais apparemment sur les autres gens j'ai l'air très professionnelle, donc je pense que la vérité est un peu entre les deux, mais bon. Mais j'avoue que de tous les gens que je connais, ce qui est quand même très drôle, c'est que la seule personne qui a réussi à serrer la main à Joss Whedon, c'est ma mère, qui a réussi à se placer pile au bon moment. David, qui était là, non, lui, il s'est pas incrusté. Ma mère, par contre, s'est mise juste à côté, à tel point qu'à un moment, il s'est retourné, j'ai dit « my mother », et il lui a tendu la main, il lui a serré la main, ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gardé sa main pour lui parler, parce que c'était pas assez honteux. Et elle lui a dit « attention, vous êtes prêts ?» C'était beaucoup de bruit pour rien. Elle a dit « I don't look Buffy, but I love this. » D'accord. Là, je suis là, au moins, il sait que c'est pas hérédité à l'anglais. Donc, voilà. I don't look Buffy, but I love this. Parfait. Tu nous as dit, avant qu'on commence, t'as aussi fait ton mémoire sur Buffy. Oh, on n'a pas parlé de ça, mais oui. Là, on n'a pas parlé de ton mémoire sur Buffy. Non, mais vous n'avez pas l'intention de dormir ce soir, c'est juste ça. T'es obligé d'en parler. Alors, il y a quelques années, j'ai repris mes études et j'ai fait, notamment parce que j'ai rencontré Marjolaine Boutet, qui est, que les gens qui aiment les séries connaissent, qui fait aussi une émission sur M6 entre-temps et qui fait plein de choses. C'était le podcast Monde, du podcast du Monde dont j'ai fait partie à un petit moment. Et donc Marjolaine, qui est professeure d'histoire aussi et qui m'a donné l'opportunité de pouvoir reprendre mes études pour travailler sur les séries. Dans un cursus qui s'appelle Phénomène guerrier et qui est multidisciplinaire, ce qui me permettait de faire peu ce que je voulais. D'accord. Et donc j'ai fait le master, donc c'est de l'histoire contemporaine, et j'ai fait mon master sur ma recherche sur... je voulais faire un truc autour d'une série. Elle m'a dit tant qu'à faire, fais un truc sur Buffy parce que tu connais bien le sujet. Effectivement. Et je lui ai dit écoute, un truc que je trouve fascinant, c'est que la saison 7, il y a une guerre déclarée dans la saison 7, et que le moment où Buffy déclare la guerre, c'était exactement le moment où Bush essayait de convaincre les États-Unis de partir en guerre en Irak, la deuxième guerre en Irak. Parce que c'est diffusé, en fait, la saison 7 est diffusée entre septembre 2002 Bush, fils. Et mai 2003. Donc, effectivement, c'est. Et en fait, la déclaration de guerre de Buffy se passe en décembre, pile au moment où il est en train vraiment de pousser pour que l'Amérique parte en guerre. Et du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre. Et moi, à l'époque, j'avais toujours pensé, avant de faire les recherches, en fait, c'est un contre-exemple. Il montre à travers Buffy pourquoi Bush a tort, en fait. Parce que Buffy, quand elle essaye de faire la guerre, en fait, c'est une connerie, ça se passe mal. Et en gros, ça s'appelle la 7e saison de Buffy contre les vampires et les guerres de George W. Bush, parce que je parle de la guerre contre la terreur et la guerre en Irak. Contre la force, pas contre The First. Ouais. Oui, enfin non, mais la guerre antiterroriste de Bush s'appelle la guerre contre la terreur. D'accord. Et c'est pas la même que la guerre en Irak, qui est techniquement une autre guerre, en fait. Mais d'ailleurs, contrairement à ce qu'il dit. Et en fait, toute mon analyse tend à... Alors, dans une première partie, je décrypte tout ce que la saison, au fur et à mesure, dit sur la guerre et comment ils traitent de la guerre, en tant que, d'abord en première partie, comme une menace, ensuite comme comment on s'organise pour la guerre, donc en créant une armée et en essayant de les entraîner, en essayant de créer une hiérarchie pyramidale militaire, et la solution qui finalement est complètement autre chose. Des trois, en fait, en gros, c'est du 1er au 9, la première partie, ouais. Ensuite du 10 à peu près, je crois que c'est le 10 au 19 où elle se fait virer de la maison, mmh. Et les trois derniers c'est bah, finalement autre chose, c'est l'autre proposition, c'est ce que j'appelle la proposition de Joss Whedon, qui est en plus qui est la proposition c'est en la fait communauté. Effectivement la décision communale anti-militaire, ouais. Anti-pyramidale, où effectivement c'est pas le général et les autres, c'est chacun choisit et chacun travaille ensemble. Et la deuxième partie, je montre que la raison pour laquelle on pense à Bush et on pense à la guerre, c'est parce qu'il y a plein de personnages qui sont qui font appel à l'imagerie de guerre, et notamment Faith, c'est le mercenaire. Moi, je dis toujours que Xander, c'est la army wife, c'est la femme militaire qui doit suivre les combattants et qui peut jamais se battre. Elle fait juste, elle reste à la maison, elle attend. Et les combattants ont besoin de cette femme, absolument. À la maison. Absolument. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait dans la saison? Il reconstruit la maison, il donne à manger, voilà. Et Dawn, c'est la army brat, c'est celle qui a grandi là-dedans et qui du coup se pose la question si elle-même va devenir une militaire ou pas. Les troupes, c'est les potentiels. Les potentiels. Moi, je dis toujours Willow, c'est le médecin fou. C'est le savant fou. C'est le savant fou. Ou peut-être qu'il va faire la bombe et nous sauver, mais peut-être que la bombe va nous claquer à la gueule. Et Giles, c'est l'idéologue. Et l'idéologue, qu'est-ce qu'il fait? L'idéologue, il pense qu'il faut tuer tous les combattants ennemis, dont Spike. Ouais. Alors qu'en réalité, la proposition de Joss Whedon, c'est que non, il ne faut pas tuer les combattants ennemis. Et Anya, c'est l'analyste locale autochtone qui connaît la population locale et qui permet de faire la traduction. Et alors, c'est passionnant ça. Et on peut le lire quelque part ou c'est seulement la BU de Picardie alors. Alors le problème, c'est qu'il est à la... Enfin, je me demande s'il est à la BU de Picardie justement parce que je suis depuis 4 ans en train de le corriger. Mais je l'ai mis un peu de côté. J'ai besoin en fait de soutien moral et psychologique parce que c'est 200 pages et qu'en plus en le relisant, je vois toutes les erreurs que j'ai faites. Enfin, les erreurs, c'est plutôt au niveau de l'écriture, du trait, du style. J'ai envie de. Parce que en fait, à la fin, il y a une partie qui a été écrite très très vite, bien sûr, comme toujours quand on fait un mémoire. Et voilà. Mais j'ai eu le plaisir d'en parler à Joss. Et est-ce que tu as extrapolé sur Avengers? Parce que tout à l'heure. Absolument. Je veux juste dire que quand je l'ai dit à Joss, quand j'ai dit que le titre de mon mémoire, il a poussé un grand soupir, il a dit ah non, c'est pas encore un de ces trucs qui dit qu'elle parle comme lui, comme Bush. Voilà, et ce à quoi j'ai pu dire non, je prouve que c'est pas vrai. Et là, il m'a regardé avec un grand sourire et j'étais là. Ça sert à quelque chose. Ma vie sert à quelque chose. Mémoire sert à quelque chose, incroyable. Non, mais mon existence sert à quelque chose. Parce que j'ai permis de soulager Joss qui m'a, à la fin, en me disant au revoir, remercié pour mon paper. C'est un paper, c'est généralement 2 pages. J'avais envie de lire 200 pages, mais c'est pas grave. Je l'avais dans mon sac, j'ai pas osé lui montrer. Et t'as eu combien alors à ce mémoire? 17. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Non, mais j'ai eu 17 à mon mémoire. D'accord. J'ai eu 17 à mon mémoire et j'ai eu 16,15 en moyenne. Mon année. Nous avons terminé la rubrique de l'invité. Passons immédiatement à la rubrique Si t'aimes Buffy. Ah, la rubrique que tout le monde aime. Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Alors je profite profite Clément sur le chat, il y a EvilH113 qui dit quand même qu'on a un invité de ouf. C'est gentil, nous confirmons. Alors si t'aimes Buffy tu vas aimer ça. Alors oui, rubrique où bon, pour ceux qui sont pas au courant, nous vous donnons des petits conseils, des petits coups de cœur en rapport avec Buffy, des choses alors c'est ça peut être des produits, ça peut être des livres, des films, des séries, des jeux, des BD, des sites internet, tout ce qu'on veut, quelque chose qui nous plaît. Et on se dit que ça peut plaire aux gens qui aiment Buffy. Donc je vais commencer et moi je vais vous parler de Soap. C'est une revue sur les séries qui se définit, alors comme voilà, c'est ce qui est marqué sur la couverture, le tout premier MOOC français célébrant la passion de la série télé. C'est complètement génial, hein, je vous le dis déjà. C'est donc un livre, un petit livre qui sort tous les 3-4 mois, à peu près, je sais pas. Ça sort en librairie ou ça s'achète sur leur site internet, donc Soap, ça s'appelle. Moi, alors, je vais prendre mon cas personnel. Moi, j'aime beaucoup les séries, mais ça me saoule de lire des trucs qui disent « True Detective, c'est génial, Game of Thrones, c'est la meilleure série de la Terre, tout ça », et qui vont pas plus loin, quoi. Là, on a vraiment des articles qui vont très très loin. et qui ne cherche pas à nous présenter les séries qu'on connaît déjà, mais qui analyse en profondeur. Par exemple, pour prendre le cas de Game of Thrones, on nous parle. Ouais, il y a un article. Ouais, vas-y. On nous parle. C'est un article passionnant. C'est le premier, je crois, de numéro 1, qui nous parle de révolutionnaires turcs qui s'identifient au personnage de la série. Ils font des parallèles avec leur lutte à eux contre les puissants dans leur pays. Enfin, c'est phénoménal. Et voilà, tous les articles sont comme ça. Il y a des dont notamment un article de Yael sur Xena. Alors voilà, parce que donc Yael, tu as écrit dans Soap. Ouais, j'ai écrit dans Soap, je vais écrire dans le 4 aussi. Alors, j'ai pas eu le temps d'écrire dans le 2 ni le 3, mais je vais écrire dans le 4 qui va sortir dans plusieurs mois. Mais c'est ça, c'est tous les 3-4 mois, c'est ça? Bah, comme tout début, tout début de publication, pour l'instant, on n'est pas sur un calendrier figé, ouais. Parce que, enfin voilà, soit tu réponds à un calendrier figé et tu sens n'importe quoi, soit tu fais de la qualité, et dans ce cas-là, tu t'acceptes un petit retard. J'ai écrit sur Xena, effectivement, j'ai fait un truc où on. Un article qui s'appelle Kitsch et culte, où je parle. Tu es vraiment fan de Xena? Bah, je connais très très bien le sujet. Ça se voit dans l'article, c'est ça qui est bien avec ce bouquin. J'ai toujours dit le jour où j'ai une université où je crée mon cursus universitaire sur apprendre les séries, il faut faire un semestre sur Xena. Un semestre entier sur Xena. Parce que pas une question de l'avoir vu, c'est une question de savoir à quel point c'est précurseur. C'est impressionnant. Ouais, possible. Et puis, enfin, c'est pas que Sam Raimi, précurseur, c'est la transgression des personnages féminins aussi. Et la transgression des codes. Et ça passe par les auteurs qui étaient tout seuls au milieu de la pampa et qui faisaient leur truc en Nouvelle-Zélande soyons clairs, n'avaient pas de network. Ouais, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de patron. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils vendaient nos petites chaînes locales aux États-Unis, donc ils s'en foutaient. Et il y a une transgression. Et donc, effectivement, je vous invite à lire l'article. Et j'ai joué sur le fait que j'ai expliqué trois des aspects kitsch, voire kitschissime de la série, expliquer pourquoi ils étaient kitsch et pourquoi c'était assumé et pourquoi c'était comme ça. Et ensuite, trois aspects cultes et subversifs et qui font musical des... aussi. Ah non, ça c'est dans les côtés kitsch. Je crois que c'est dans le côté kitsch, le plaisir kitsch de l'épisode musical. Après, il y a des moments géniaux aussi. Mais voilà, et j'essayais de montrer la part des choses. L'idée, c'est que la première page kitsch devait montrer que je pouvais me moquer de la série et que la deuxième page donnait l'impression que j'étais une grande, grande fan. C'est quoi la ligne éditoriale de Soap? Est-ce que j'ai résumé en disant que vous voulez aller plus loin que c'est simplement... pas une revue, en fait. Enfin, c'est un MOOC. MOOC, c'est le magazine entre magazine et book. Donc déjà, ça se vend en librairie. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pour la vraie ligne éditoriale, il faudrait demander à Léo So et Santo, qui est à présent le rédac chef, d'en parler plutôt que moi. Mais c'est raconter des histoires sur les histoires. Donc c'est pas que les faits qui nous intéressent, c'est ce que les faits racontent. C'est du storytelling, c'est-à-dire que du coup, c'est toute la dimension presque littéraire des séries, mais pas d'un point de vue élitiste coincé. C'est plus de la fiction sur la fiction, en fait, tout simplement. Et donc moi, par exemple, les deux autres articles que j'ai écrits... Ouais, cool, sur la fiction que t'as faite sur le... Voilà, sur les pilotes. Voilà, je me suis un peu amusée. Ça rend génial. Celui, effectivement, où je parle de la saison des pilotes et ce que c'est que de faire un pilote aux États-Unis. Et effectivement, la meilleure... En fait, il y a des tonnes d'anecdotes qu'on peut trouver et que moi, je connais sur la question. Mais le meilleur moyen pour moi de faire passer... toutes les émotions et de la galère que ça pouvait être, pour moi, c'était de créer une fiction. Et donc, j'ai raconté l'histoire d'Alice qui était pleine de promesses et qui essayait de monter sa série. Et ce qui est très drôle, c'est que le cas que je raconte... Il y a des twists dans l'histoire, même. C'est comme une série, quand même. Et le truc, c'est qu'Alice, c'est le meilleur cas, quoi. Enfin, clairement, c'est le happy end, quoi, l'histoire que je raconte. Oui, c'est vrai, toutes les galères qu'elle traverse, et le truc que ce soit au moment du casting ou du machin. En plus de cet article, il y a l'agenda et des statistiques, et il n'y a pas beaucoup de séries. Oui, j'ai mis des chiffres et des gémis. Non, mais ça, c'est du coup un contenu journalistique qui est. Absolument. Et voilà, il était une fois un pilote. Ouais. Absolument, absolument. J'avais oublié, oui, le graphiste a fait un joli alors, château de la Bois de Normandie. Il faut le noter, il y a un graphisme très très cool aussi dans ce MOOC. Enfin, chaque article est illustré de manière différente. C'est vraiment. Absolument. Le graphiste est très talentueux et se donne un vrai plaisir. Il se fait chier. Non, c'est très très cool à lire. Les MOOC, c'est apparu dans le jeu vidéo, je crois, au départ. D'ailleurs, c'est des gens qui viennent du jeu vidéo. Ouais, non, mais il y a des mecs qui ont développé ça pour être pour concurrencer les sites internet, s'éloigner d'une revue, parce que internet ça a tué les magazines de jeux vidéo qui étaient cultes dans les années 90. Dernière chose à préciser, je parle de Soap non pas parce que tu es là, mais parce que j'avais prévu d'en parler. C'est le hasard. C'est très important de le préciser. Et ensuite tu as découvert que j'avais écrit. Exactement. Ça s'est fait dans un sens de Godon. J'ai découvert ce truc parce que je m'intéresse aux séries, donc j'ai acheté ce truc tout de suite. Je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est après avoir fait ta connaissance et après qu'on ait dit tiens, tu viendras dans l'émission, que j'ai découvert que tu avais écrit dedans. Donc voilà, à replacer. Enfin, ça, c'est important de le préciser. Je pense que c'est Précise aussi, vous les trouvez en librairie, mais sinon, je suis sur internet, vous pouvez vous renseigner. Le numéro 2 est sur The Walking Dead et il y a tout un tas de choses sur les zombies. Mais il y a plein d'autres trucs. Et le numéro 3. C'est peut-être un spoiler, donc ne répétez pas aux gens de Soap que je sais que c'est ça, mais la thématique, attention, c'est les super-héros. C'est pas du tout à la mode. Et du coup, moi j'ai pas pu y participer pour des raisons de timing, et puis il y avait plein de gens très très brillants qui avaient proposé. Tu connais rien en super-héros, je crois. Voilà, c'est ça. Non mais voilà, il y avait plein de choses, mais c'est pas une série. Mais je me suis enflammée. Mais maintenant, non mais en toute honnêteté, il y a plein de gens très très passionnés qui avaient déjà proposé d'écrire dessus. Moi, j'ai participé au numéro d'après. J'ai pas sur mon livre d'après qui a une thématique différente, qui m'intéresse aussi énormément, mais en même temps. Mais par contre, effectivement, les zombies, c'était pas trop mon délire. J'ai peur des zombies. Le Walking Dead, c'est pas super. Oui, mais pareil. Mais justement, le Walking Dead, parce que j'ai commencé à lire le 2, et Walking Dead n'est qu'une porte d'entrée. Après, il te parle de plein d'autres choses. Dans le premier, moi, je suis pas très fan de Big Bang Theory. Il y a un article dans Big Bang Theory sur le premier qui est absolument génial. Et c'est passionnant. Alors ça donne envie d'aimer la série, de s'intéresser à de plus près, alors que je déteste. Moi, j'adore la série. Est-ce qu'on a d'autres? Aurélien, les Alors moi j'ai un autre truc, moi j'ai une recommandation du Yael, coup. Yael, ton système Buffy, tu vas aimer ça. Ah oui. Le Ticoton. Regardez iZombie. Est-ce que vous regardez iZombie? C'est la série de CW, c'est ça? C'est adapté d'un comics, je crois. Alors c'est surtout, c'est adapté d'un comics, c'est surtout la série dont les showrunners sont Rob Thomas et Diane Ruggiero. Qui sont les deux de Véronica Mars. Et en gros, c'est clair, c'est drôle parce qu'à l'époque, Véronica Mars c'était le Buffy version réelle, et là maintenant il a carrément zappé le côté réel et il fait. On en parlait avec quelqu'un récemment qui me disait ouais, c'est bien, Rob Thomas il a juste décidé, je vais arrêter de me flier, je vais faire exactement pareil que Véronica Mars, sauf que ce sera un zombie. Il y a Joss Whedon qui joue dans Véronica Mars. Dans l'épisode 6 de la saison 2. Non, mais j'étais assez accro à Véronica Mars. Mais parce que tout le monde était accro à Véronica Mars. Non, parce que l'anecdote de Véronica Mars, c'est que pendant toute la première saison, tout le monde a dit c'est le nouveau Buffy. Et version en été. Ouais. Non, mais ils disaient The New Buffy, en tout cas, c'était ce qu'on disait, parce que c'est du noir et que, en fait, aux États-Unis, on a toujours appelé Buffy un teen noir. Donc, comme le principe du film noir. D'accord. C'est un truc qui a été toujours dit, alors que c'est plus compliqué pour nous de reconnaître ces codes-là, mais c'est une évidence pour. Véronica Mars, qui était le côté des personnages récurrents aussi, l'univers qu'il y avait autour de la ville. Mais c'est aussi le côté noir. Comparaison idéale. Ouais, je comprends. C'est-à-dire le côté enquête, parce que Buffy, c'est aussi un système d'enquête, c'est une détective. C'est complètement. Mais au lycée. Mais surtout, je ne peux faire confiance à personne, les apparences ne sont pas ce qu'elles sont. Je vis dans un monde. Mes amis qui ont raison. Je vis dans un monde complexe, moralement complexe. Je ne veux pas, généralement en plus je veux coucher avec la mauvaise personne, ça c'est aussi un truc c'est vrai, elle est amoureuse des mauvais garçons, voilà, et donc excellent le truc et la blague c'est que sur Whedonesque l'été 2005, donc entre la première et deuxième saison de Véronica Mars, Joss Whedon a écrit une lettre d'amour avec Véronica Mars en disant ça fait 8 mois qu'on m'en parle, là on vient de me filer les épisodes, j'ai regardé l'intégrale de la série et c'est tellement génial, je n'arrive pas à croire à quel point c'est génial, j'adore, et c'est pour ça qu'il a joué dans un épisode. Ah d'accord. Parce que Rob Thomas a d'abord dit je l'ai envoyé à ma maman. J'ai vu le film Véronica Mars. J'ai envoyé le message, la page internet et à mes parents. Un peu déçu. Est-ce qu'il y a d'autres si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça? Oui. Ah ok, attends, bon, t'écoutons. Attends, moi je joue. Mais, c'est pas là. Ah, mais pardon. Clément, tu me perturbes. Non, j'ai pas de système Buffy, tu aimais ça, mis à part. Alors ferme-la. Si, c'est une introduction, Sartman, c'est une façon de présenter les choses. Il est pas drôle. Eric Balfour, incroyable personnage. Que tout le monde connaît. Acteur qui joue dans deux qui joue dans Six Feet Under très bien. Non, qui joue dans plein de séries où il se fait tuer au bout de trois épisodes. Et jusqu'à Haven, toutes les séries où il se fait pas tuer ne disparaissaient de la circulation. Ouais, c'est pas de chance. Ça plaît le. Il sera à la Comic Con en octobre. Donc, à Paris. Jesse du premier épisode de Buffy. Et qui est dans le pilote. Et Nicolas Brandon sera au Toulouse Game Show en novembre. TGS. Donc, si vous voulez voir Nick Boldon. Xander, quoi. Non, voilà, moi j'ai pas de site. C'était les annonces conventions de Riley. Merci Riley. Très bien. Clément. Ouais, alors moi j'en ai un, mais qui a pas trop de rapport avec Buffy. Ah, alors c'est peut-être joué, Clément. Peut-être c'est pas trop la rubrique alors. Oui, ben oui, on va peut-être la garder du coup pour. C'est la nouvelle rubrique n'importe quoi. Vas-y. Alors, on a créé une rubrique. Super transition, Clément. On va passer à ta rubrique. C'est la rubrique. Si t'aimes Buffy, c'est pas sûr que tu vas aimer ça parce qu'il y a pas trop de rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Hey Scotty, you find anything? Scotty! You bastards! Why are you torturing me like this? That is the stupidest thing I ever heard of. Alors donc je vais parler d'une série qui s'appelle Death Valley. Donc oui, c'est une série MTV. Je crois, ouais. C'est une série sur les zombies qui reprend en fait le principe de Cops, c'est-à-dire une caméra, enfin une équipe de tournage qui accompagne des policiers en intervention. Et en fait, c'est des policiers qui interviennent sur les activités de zombies, loups-garous à Los Angeles. Ah oui, c'est normal. Ça fait peur ? Non, ça fait rire. Non, c'est complètement humoristique. Parce que moi, les zombies, ça me fait flipper grave, quoi. Non. À part les zombies. Ils sont marrants. Et alors, je trouve que c'est la meilleure explication, selon moi, qui explique pourquoi la différence entre les zombies qui marchent et les zombies qui courent. Ouais, il donne une explication. Ouais, alors, c'est quoi ? En fait, les gens qui viennent de mourir, qui viennent de se faire mordre par un zombie, en fait, ils sont frais, ils ont encore des muscles, des articulations, donc ils peuvent courir. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils se dépérissent, qu'ils se décomposent, ils peuvent plus courir, donc c'est pour ça qu'ils marchent. J'ai une théorie similaire avec les vampires dans Buffy. C'est-à-dire ? Pourquoi ils veulent pas ? Enfin, pas dans le même sens exactement, mais le fait que vous avez remarqué, quand c'est un personnage pas important, vous lui mettez un tout petit rayon de soleil, il prend feu. Et Spike, il faut 5 minutes au soleil pour commencer à fumer. Et bien alors, ma théorie, qui n'a pas plus de sens que c'est ma théorie et c'est ma façon de voir le truc, c'est plus t'es vieux, plus t'es fort et plus t'es résistant. Et que donc les petits vampires de merde, c'est ceux qui sont tout récents et donc du coup ils se font cramer immédiatement, ils ont une résistance. Et que nos personnages qu'on aime bien, qui sont plus vieux et plus forts et plus puissants, et ben eux ils restent plus longtemps. Non, je trouve que ça fonctionne bien. Par contre, ce qui fonctionne pas, c'est combien de temps faut-il pour faire un vampire ? Parce que ça, c'est bien, d'un épisode à l'autre, c'est pareil, ça change. Une heure ou c'est cinq jours. C'est jamais la même chose. Enfin, c'est incohérent. Si dans True Blood, c'est assez cohérent. Ah ouais ? Donc, ça a d'autres défauts, mais. Est-ce que je peux finir mon site ? Non, ça manque Evil Dead, ta rubrique. Il y a des zombies quand même, donc. Ah, bon, c'est bon, alors. Donc, c'est une série créée par Eric Wimber, qui est notamment un producteur de la série Scrubs. Le côté assez décalé de Curtis Gwynne, désolé pour mon anglais, et Michael Cumming, qui ne d'autre que le frère de Rob Zombie. On aime beaucoup. Voilà. Il y a notamment dedans Tanya Raymond, qui a joué dans la série Malcolm et Lost, Cathy Marie Lotz, qui joue Sarah / Black Canary dans Arrow. Ah oui, j'aime beaucoup, moi. Et alors, du coup, il y a une dernière... Oui. Ou Black Canary. Bah, les deux. Ah, Je joue pas Wild Canary dans la nouvelle prochaine série, là. Ah, oui, pas de spoiler. Bah si, logiquement, elle est dans la nouvelle série. Ouais, mais spoilez pas. Mais ça n'a rien à voir avec un spoiler, c'est une nouvelle série. Il y a des bonnes annonces, on a vu Wild Canary. Ouais. Legends of Tomorrow. Okay, non, c'est People of Legends ou Heroes of Legends. Peut-être pour nouvelle série de la CW. On peut parler de choses dont on est au courant, en fait. Mais mieux qu'on n'était pas trop taqués. Alors, il y a un dernier acteur qui a une filmographie assez géniale. Sur le tir à l'arc, éventuellement, qui m'a l'air bien chaud. Tu m'as l'air bien chaud sur le tir à l'arc, hein. Ah ben, Arrow, c'est une série géniale. Vas-y. Et il y a donc un acteur qui c'était une convention à Arrow, en fait. C'était pas du tout une compète. C'était une convention, c'était pas une compète, donc t'étais ce week-end. Ça ne te regarde pas, c'est ma vie privée, ce que je fais en dehors du podcast. Donc il y a un acteur qui s'appelle Texas Battle. Bon, déjà, il a un nom. Ouais, il est pas mal. Ouais. Et il a joué dans Amour, Gloire et Beauté. Ah oui ! Et Dragon Ball Evolution. Ouais, parfait ! Ah bah, comme James Master, Master, c'est Dragon Ball Evolution. C'est vrai, oui. Ouais. La question, c'est joue qui dans Amour, Gloire et Beauté ? J'aurais pu être dans la Ça, je sais pas. Et c'est assez méta parce que le fait qu'il y ait des actes, une équipe de tournage qui suit les. Ça prend vraiment un sens dans le scénario. Donc voilà, donc c'est du en mode fan footage, en mode mockumentaire, Cops, The Office, tout ça. Et donc c'est dans un monde où les gens se vivraient avec des vampires, avec des zombies, on aurait conscience en fait. Ouais, il y a des allégories assez cool, par exemple, notamment il y a l'histoire de pleine lune. En fait, ils vont carrément inspecter tous les loups-garous déclarés pour voir s'ils sont bien restés chez eux. Oui, c'est drôle ça. Voilà, donc et c'est... voilà, et c'est une comédie, c'est ça que c'est. Une comédie assez décalée. C'est un 20 minutes ou c'est un. C'est un 20 minutes. C'est un 20 minutes, ouais. Ouais. C'est MTV, donc c'est très un peu. Ouais, ils, c'est lui, MTV, ils prennent pas de gants, quoi. C'est très. C'est drôle, mais ouais. Voilà. Ok, Death Valley. Voilà. Je savais pas que tu regardais MTV, Clément. Hein. Ouais, bah. C'est pas tout sur moi, hein. j'ai découvert plein de trucs. Ça, elle tire à l'arc. C'est fou, ils avaient pas parlé de tir à l'arc. Rayler, si t'aimes Buffy, c'est pas sûr que t'aimes ça parce que ça n'a pas trop de rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Alors, oui, je voulais vous parler d'un podcast. Un podcast incroyable. Parce qu'on aime bien les podcasts ici. L'improbable podcast. C'est très drôle, ça ne parle de rien, figurez-vous. Ah, très bien. D'accord. Comme Seinfeld, la grande époque. Effectivement, des comiques. Comme ça fait. ils font des news improbables, une fiction audio, des dossiers débiles. Ils font des jeux de mots foireux tout le temps, c'est très très marrant. Ils sont quatre. Et alors il y a tout, par exemple il y a un épisode où ils font croire qu'il y a un des mecs du podcast qui est là, mais il est remplacé par quelqu'un d'autre, quoi. C'est drôle ça. C'est une super idée. Non, c'est super. Moi je pense peut-être on devrait le faire. On devrait absolument faire ça, parce qu'il y a un des podcasteurs habituels qui est absent et ils le remplacent par quelqu'un et ils font semblant pendant tout le podcast que c'est la même personne, quoi. Et personne le grille. Et bah tout, parce qu'ils ont un chat ou pas Ils ont un chat, mais il y a des gens qui se posent pas la question sur le chat. Et sur le chat personne ne grille le truc. Personne n'a grillé le truc. C'est pas des vrais fans alors. Ah, c'est bizarre. Je pense que c'est pas des vrais fans. Ou alors peut-être que celui qui a joué le rôle du chroniqueur là, joue bien tellement joué. Bien. Non, il faudrait qu'il soit vraiment balèze. Bien, ouais. Je pense que c'est un mec balèze. Mais moi ça me plaît bien cette idée. Peut-être on pourrait le faire. On pourrait absolument faire ça, comme dans l'improbable podcast. On peut le dire. On a carrément honteusement copié ce concept. Eh ben on l'a fait en fait. On l'a fait. Clément, parce que Clément twist de fin d'épisode. Tu n'étais pas Clément. Scooby-Doo. Et non, c'était Gabriel qui est doubleur officiel de Clément. Et le doublé. Gabriel, t'étais venu en invité déjà au podcast quand j'ai déjà oublié. Attends, je comprends. C'était pas Clément qui me parlait là depuis 2 heures de vidéo. Mais non, c'était Gabriel. Putain, mais tu l'imites tellement bien. Merci. C'était hyper crédible. Bravo à toi, Gabriel. Gabriel, merci. De Buffy avant tout, quoi. Eh bien, monsieur. Et tireur à l'arc. Accessoirement. Quand je regarde pas Buffy, je tire à l'arc. Du coup, t'as pas fait des vrais gros bisous. Tu peux faire. Peut-être t'avais pas des gros bisous à nous faire. Si, mais. Alors, du coup, je vais vous faire un gros bisou à vous, les gars. Parce que grâce à votre invitation au podcast, j'ai réussi à convaincre ma fiancée de regarder Buffy. Et ça, pour moi, c'est assez cool. Donc, c'est un peu notre sacerdoce. Pardon, Gabriel. C'est important ça dans la vie. Non, mais je veux dire, dans la vie amoureuse, c'est important de pouvoir partager Buffy. Il faut, oui. C'est des fois, c'est dur, mais il faut lutter. Il faut continuer. Aurélien qui dit, c'est pour ça que c'était mieux. C'est parfait, Aurélien, tu as tout compris. Ce sera répété. je me disais, mais il y a vachement une voix grave. Hein. C'est vrai que d'habitude, de Clément. Est-ce qu'on a fait le tour des systèmes Buffy, des gens qui font semblant d'être d'autres gens, des choses comme ça? On a fait le tour? Bah oui, il me semble, il n'y a plus rien écrit. Ouais. On a parlé d'Evil Dead, oui. On a parlé d'Evil Dead. Il est très tard. Est-ce qu'on n'a pas fait de sondage, Riley? Ah merde, ah oui, on a oublié de faire un sondage. Salut, Sartouman. Oui, non, mais fais ton sondage. On a fini, on a bientôt fini. Nous sommes en live. Sartouman nous a fait signe de sortir. Oui, non, on n'a pas fait de sondage, mais tu ne devais pas l'annoncer comme ça, on était censé répéter. Bon, bonsoir. Alors, on peut le refaire, ça sera je veux pas dire, ça part en vrille, ce podcast. C'est quand beaucoup même. Trop tard. Mais non, c'est clair, On a tout vu. Sur live, il était au courant. Ouais, ok. On a fini, Riley. Mais je voulais faire un petit sondage. Vous avez pas remarqué que d'habitude je fais des sondages? Ah non, mais on s'en branle, les sondages, ça sert à rien. Putain, ok, c'est tout ça pour ça, quand même. Non, alors juste, on sait jamais. Un petit sondage improvisé? J'improvise un petit sondage. Allez. Sur le. Est-ce que vous avez vu une news sur le reboot de Buffy? Oh, mais oui. Parce qu'ils ont fait ils vont recommencer X-Files, Prison Break. Ça, c'est une suite. Non, c'est la suite. Mais Prison Break aussi, c'est la suite. Oui. Okay. Fallait parler d'un reboot, un film. Ouais, ils savent pas trop. Est-ce que vous êtes pour ou contre une suite à Buffy comme ça? C'est une vraie question. Une suite ou un reboot? C'est une vraie question. C'est un sondage improvisé. Est-ce qu'on peut répondre autre chose que non? Qui veut répondre en premier? Non, ce sera dans les commentaires. Il faudra que tu prennes ton clavier et que tu répondes dans les commentaires. Donc c'est une vraie question. Non, mais tu m'as regardé fixement. J'ai cru que tu avais répondu. Ton avis quand même. C'est une erreur. Non, au-delà d'une erreur, la suite elle existe. C'est les comics. Mais. Non, alors oui, au-delà des comics. Parce que X-Files saison 10, en comics ça existe aussi. J'ai eu cette conversation. Ils vont peut-être s'asseoir dessus. Quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire un film avec le concept sans Whedon il y a quelques années. Parce que ceux qui avaient les droits du film, qui en plus quand même sont responsables du premier film. bonjour. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais en même temps, ce serait cool, non? Tu t'en fous que ce soit Whedon ou pas? Et je disais, non, mais le principe, c'est le concept de Vampire Slayer de Buffy sans Whedon. Bah, c'est plus Buffy, quoi. Ça tout sera, le principe de Buffy, bah, c'est que c'est une métaphore de découvrir l'âge adulte, de grandir, de la transgression. Et bah, c'est pas comme si tout le monde. Après, s'ils ont l'intention de faire un truc similaire, pourquoi pas? Mais ça une autre version, peut-être. Non, mais quelque chose avec le même. Tu vois, c'est pareil, quand ils font des trucs de comics, ben, des fois, ils restent fidèles à la thématique. Au personnage. Mais c'est peu probable qu'ils le fassent. De toute façon, ça va jamais marcher. Mais ça va pas se faire, de toute façon. Enfin, non, c'est sûr. Il y a quand même une grosse rumeur, là. Vin Diesel dans le rôle de Xander. Je change mon avis, alors j'ai hâte que ce film arrive. Le réalisateur de Transformers comme showrunner. Michael Bay en showrunner, ça me paraît évident. Rappelle-nous ton sondage, donc c'est c'est pour ou contre le reboot, pour ou contre une nouvelle version de Buffy, tu nous feras bien évidemment un article, mon petit Riley, que nous publierons. Sartman. Alors ben, on va vous laisser parce qu'il est quand même extrêmement tard. On a fait très très long là, on a été monstrueusement long. Quand je vais devoir couper tout ça, ça va être horrible. Coupe toutes les interventions de Clément, peut-être. Voilà, c'est pas là, c'est qu'il a tellement parlé. En fait, je pense que ce serait plus efficace de couper les miennes, mais c'est un peu plus long. Tu seras coupé quand même, on sera tous un peu coupés. Sauf moi, bien évidemment, c'est moi le chef, donc. Donc si on pensait nous mettre 5 étoiles, c'est important parce que 5 étoiles ça nous fait monter dans les classements et surtout sur iTunes. Oui, tout à fait. Si vous envoyez un message sur Facebook avec 5 étoiles, ça nous fait une belle jambe. Enfin, ça leur fait une belle jambe. Mais c'est sympa quand même. Je l'Instagrammerai quand même avec plaisir. Merci Gabriel à tous nos invités. À Yael. En fait, deux invités ce soir. À Gabriel slash. /Clément Gabriel. Merci Gabriel. Merci Yael. Merci Riley d'avoir été là. Bah merci Riley. Mais toi tu es là. Toi tu ne me lâches pas. Tout le temps là, mais non. Merci de m'avoir laissé parler de plein de trucs et surtout de Buffy et de Spike. Mais c'était un plaisir. Mais plein de choses intéressantes et tu reviendras nous dire plein d'autres choses intéressantes parce que je suis avec sûr qu'on n'a pas fait le tour. On prépare un spécial Xena et tu viendras. On t'invite. Je veux reparler de Buffy et de Spike. Ah oui, ok. Je vous rappelle que ah oui, abonnez-vous à notre Twitter aussi. Je vous rappelle qu'à 1000 followers notre Twitter. À 1000 followers, Clément fait tourner des photos de sa sextape. Hein, Clément Gabriel. Non, avec Clément, un arc. Voilà. Clément déguisé en haro. Allez, c'est fini. On vous fait des gros bisous. La bonne nuit et à très bientôt. Bonne nuit. Merci au chat d'avoir été là. Bravo le chat, bravo les gars. D'avoir tenu aussi longtemps. Et les filles, tchuss. Le bisou. Ciao. Bisous.